Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 49e émission des podcasts de VR4Player et on va discuter autour d'un VR. Et ça y est, on a enfin pu mettre la main, nos petits doigts potelés sur la PS5 grâce à, on va dire, le nanti de l'équipe, Majo. Salut Majo. Bonsoir, pourquoi doigts potelés, parle pour toi? Non, j'ai des doigts très fins monsieur, j'ai des doigts de pianiste si tu veux tout savoir. Ouais. Voilà. Salut tout le monde, et ouais je suis au top, voilà. Bien, ouais. en meilleure forme que la semaine dernière. Voilà, tu n'es pas parfait, mais en meilleure forme. T'es rentré de plein pied dans la next-gen et tu vas nous raconter ça. Ouais. Et j'accueille aussi monsieur Laurent. Salut Lolo. Salut. Ça va bien? Alors Majo, ça y est, tu l'as reçu? Ouais, ça y est. J'ai tout. L'adaptateur, la console, tout. Et t'es allé la chercher à Lyon et tu l'as pas payé cher, c'est ça? Non, je l'ai eu des One, donc c'est pas possible. C'était pas moi. Ouais, c'est ce qu'on dit. Mais je connais des Lyonnais. Alors, au vu de cette annonce, Laurent, est-ce que t'as le seum un peu? Est-ce que j'ai le quoi? Est-ce que t'as la haine envers Majo? Ah non, pas plus que ça. T'as la mort un peu, non? Ouais, t'as la mort. Non, pas spécialement. Disons qu'il y aurait la VR à fond sur la PS5 au lancement, je serais assez vert, et puis de toute façon, je l'aurais précommandé. Mmh. Vu comme ça se passait, j'ai bien vu le Game Boost, c'est bien sur deux jeux, mais bon, derrière, il n'y a pas grand-chose. On va en parler. Il est parti. Il est parti, là. Non, là pour l'instant, non, je vais la prendre, mais je suis pas plus pressé que ça, quoi. Et puis de toute façon, il y en a pas, donc. Bon, les bas comme ça, c'est réglé au moins. Parce que nous avons des invités. Tu as failli l'oublier, mon cher Lolo, à savoir Olivier Piazantin, cofondateur et président d'Ikimacho Games. Salut Olivier. Salut. Oh, ça fait très très sérieux, c'est chouette. T'as vu? Hein, ça pèse un petit peu quand même. Hein. Président, tu vois, ça le fait pas mal. Donc oui, on est très heureux de t'accueillir. Et on accueille aussi Shérif Younis, directeur technique également chez Ikimacho Games. Salut Shérif. Salut tout le monde, merci de nous accueillir. Bah, merci à vous de venir nous parler un petit peu de VR et de votre dernier jeu Star Shaman. On va en parler tout à l'heure. Et oui, ça nous fait très plaisir effectivement que vous soyez venu à notre émission, à pouvoir parler de VR un petit peu de manière générale, voir la vision un petit peu des pros, et ça nous intéresse toujours d'avoir la vision de l'autre côté du miroir, donc merci à vous les gars. Bah, tout le plaisir est pour nous. On est très contents. Parfait. on va commencer par les infos de Lolo. Qu'est-ce que tu as comme petite nouvelle croustillante à nous donner? Alors, les petites nouvelles, déjà, on a fait un gros dossier vidéo cette semaine, pour ceux qui ne l'ont pas vu, sur la chaîne YouTube. Donc, c'est un gros dossier de 50 minutes, où c'est qu'on s'est dit, ça faisait un moment qu'on était en train d'énumérer un peu les bons points en faveur de la VR sur une console Sony, donc sur la PS5. Surtout sur l'évolution de Sony en VR. Et puis, d'un autre côté, on a mis aussi les mauvais points. Puis, on n'a pas vraiment donné d'avis, mais on l'a juste énuméré. Et puis, c'est vrai qu'on s'aperçoit que dans la vidéo, les mauvais points sont relativement écrasants. Donc, j'invite tous ceux qui veulent voir la vidéo à aller sur la chaîne YouTube pour voir ce dossier. Dans ce dossier vidéo, on parlait du nouveau drone de chez Sony, le drone AirPic qui a été annoncé il y a une semaine et demie à peu près. Mmh. Donc pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. On sait juste que c'est que Sony, ça y est, se lance dans le drone. Il l'avait déjà annoncé, ça faisait déjà plusieurs années qu'on savait qu'ils allaient se lancer. Notamment, ils avaient racheté une société de drones, justement. Il y a eu pas mal de brevets là-dessus. La particularité, c'est que là, ils vont s'attaquer carrément sur un marché dominé totalement par des DJI, donc le chinois, et donc il va falloir, pour s'imposer, on sait que Sony, quand ils vont dans ce genre de truc, en général ils y vont pas doucement. Ce qui est très intéressant avec ce drone AirPic, c'est que au niveau des drones, il y a pas mal de monde qui pilote ça avec des espèces de casques de réalité virtuelle, on va appeler ça comme ça, alors que ça n'en est pas du tout. Mais disons que en fait, c'est des écrans, et on peut voir un écran de 3-4 mètres dans le casque, mais il n'y a pas de 3D, il n'y a pas de vue à 360 degrés. C'est du plat, quoi. C'est du plat. Sauf que pour l'AirPic, il y a quand même de grandes chances que Sony commence à balancer pourquoi pas même de la VR sur un drone. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas vu le drone, donc on n'a pas vu si la caméra avait deux objectifs ou une caméra 360, enfin, comment était montée la caméra sur ce drone-là. Ce qui est intéressant, c'est que Sony a annoncé que ce drone serait compatible avec la technologie 3R de Sony, qui veut dire réalité, temps réel et distance chez Sony, et que justement cette technologie 3R, elle est justement adaptée à de la VR. Si on va sur le site de Sony, donc j'ai tout précisé ça, j'en ai parlé dans la vidéo de 50 minutes également. À voir, à suivre. Et puis par-dessus ça, ils ont rajouté une petite phrase Sony qui disent, en parlant de ce drone, qu'ils vont atteindre, en combinant notre expertise technologique d'imagerie et de détection de robotique, d'intelligence artificielle, nous ouvrons le ciel dans un terrain de jeu créatif infini, avec une liberté sans précédent. Donc déjà, ils commencent à teaser un petit peu, on ne sait pas ce que ça va être, si ça se trouve, il n'y aura pas de VR dans un premier temps, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est bizarre qu'ils aient associé ça à leur technologie 3R. Ouais. Donc ça, c'était le premier point. Donc à suivre. Je pense que dans les mois qui vont suivre, on va savoir, on en saura un peu plus. Autre chose, il y a une mise à jour. Alors, je ne sais pas si une mise à jour de Squadron. Il y a la première partie qui est déjà disponible. C'était la mise à jour 3.0. Mais dis-moi, Laurent, est-ce qu'ils n'avaient pas dit qu'il n'allait pas avoir de contenu supplémentaire dans ce jeu? Je ne comprends plus ce qui se passe. Eh bien si. La 3.0, donc, qui est sortie hier, alors il y a des armes en plus, des boosts en plus, des missiles en plus, des torpilles perforantes, une tourelle lance-missile antimatière. Il y a une nouvelle map qui se passe à Port Fastar, donc c'était dans Solo. Je crois que c'est une espèce de base qui est incrustée dans un astéroïde là. Oui, mais c'est celle du premier niveau, le niveau tutoriel. Ah. Et puis il y a des nouveaux chasseurs qui vont arriver dans une deuxième partie de cette mise à jour, parce qu'elle est en deux parties, donc il y aura un chasseur B-Wing en plus et un TIE Defender en plus, et des nouveaux personnages également. Je crois qu'il y a deux ou trois nouveaux personnages qui arrivent en plus. L'intégralité de cette mise à jour, alors ce qui est très marrant dans cette histoire, c'est qu'Electronic Arts qui ne voulait pas du tout faire de VR parce que son PDG Andrew Wilson avait dit que pour l'instant il faisait pas de VR parce que c'était pas intéressant et que le marché n'était pas assez mûr, ils ont lancé Squadron un peu comme ça, quelques années après l'expérience X-Wing, la démo X-Wing. On l'attendait pas du tout Squadron, je pensais vraiment pas voir Electronic Arts en VR comme ça arriver. On l'espérait, mais voilà. Et c'est, ce qui est rigolo, c'est quand ils ont sorti ce jeu Squadron, ils ont dit bon, c'est terminé, il n'y aura pas de version PS5, il n'y aura pas de mise à jour, il n'y aura pas de DLC, il n'y aura rien. Seulement, le jeu a tellement bien marché que ils ont reçu plein de messages de tout le monde et puis ils se sont dit mais ça marche bien, on va rajouter des loot box. Ah tiens, il y a de l'argent à se faire. bonne nouvelle parce que du coup pour un jeu VR où il partait vraiment pratiquement, c'était clair quoi, on n'aurait rien de plus. Tu vois, en l'espace de 4 semaines, ça y est, ils ont déjà fait des bonus, ils ont déjà fait des DLC. Gratuit. C'est plutôt bien et c'est gratuit. Ouais. C'est gratuit, mais ça c'est bien. Donc c'est plutôt sympa qu'un studio comme Electronic Arts commence à fricoter avec la VR. Ils sont tellement pris en même temps des piles avec Battlefront 2, avec leur politique économique était vraiment très, très limite, que voilà, là ils sont obligés de redorer un petit peu leur blason, et puis aussi, mine de rien, la licence Star Wars sur en jeu vidéo, quoi. T'inquiète, il y a FUT pour se rattraper. Il y a FUT. FIFA Ultimate Team dans FIFA. C'est avec ça qu'ils gagnent du pognon maintenant. D'accord. C'est pas ma cam. C'est pour ça, du coup, ils peuvent se permettre de pas en gagner sur les autres. Mais allez-y, les gars, jouez à FIFA. Continuez. Ouais. Ça fait des bons jeux. Alors, après. Ensuite, on a quoi ? On a un petit truc sympa chez London Studio aussi cette semaine. Donc, on en avait déjà parlé il y a de ça plus d'un an, où London Studio était en train de recruter pas mal de personnes pour un jeu en réalité virtuelle. D'ailleurs, ils avaient précisé, donc il y avait plein de postes à pourvoir. Il y avait un programmeur intelligence artificielle, programmeur gameplay, un concepteur de niveau, un directeur de production, un concepteur technique de jeu, un programmeur d'outils et un auteur de test. Et toutes ces annonces, donc ça c'était en décembre 2019, avaient la mention « Vous rejoindrez une équipe travaillant sur notre prochain titre de réalité virtuelle exclusif après le récent lancement de Blood and Truth sur PSVR. Donc ça, c'était il y a un an. Et puis bon, on avait dit, bon bah, vu comment Jim Ryan accueille la VR et tout ça, on avait dit, bon bah, c'est un peu cuit maintenant. Mais la dernière fois, c'est rigolo parce qu'il y a eu la nouvelle mise à jour avec le fameux Game Boost, ce qui nous a donné l'occasion d'aller faire un tour sur le site de London Studio. Et il y a une toute nouvelle annonce qui vient de paraître il n'y a pas très longtemps et qui cherche un animateur cinématographique. Et donc l'annonce, elle est très intéressante parce qu'elle stipule « Vous créerez des séquences en temps réel en VR pour notre projet prochain avec un accès sur la qualité. Vous aimerez des personnages, vous animerez des personnages et des accessoires avec un haut degré de polissage. » Donc on pense à Unreal Engine 5. Enfin moi, le haut degré de polissage, je pense au statut d'Unreal Engine 5. « Vous pousserez activement les normes de qualité pour l'animation cinématographique et le pipeline vers les nouveaux repères de l'industrie. » Donc c'est quand même axé sur l'avenir. « Et vous maîtriserez l'animation d'acteurs humains réalistes ainsi que des actions à haute adrénaline. Donc, des humains à bouger, plus de l'adrénaline, moi, pour moi c'est un Blood and Truth 2. Une expérience en VR et Unreal Engine est bénéfique. Unreal Engine, c'est sympa parce qu'on sait que Sony est devenu est rentré au capital d'Epic Games. Donc on sait qu'il va y avoir quand même un lien entre Unreal Engine 5 et peut-être quelques outils supplémentaires qui seront adaptés à la PS5. Et puis dernière chose, c'est un contrat à durée déterminée. Donc ça aussi c'est intéressant parce que, alors attends, je sais plus, je crois qu'il se termine en juin 2021 le contrat. Donc c'est juste 6 mois, apparemment ça serait plus pour faire les séquences, les cinématiques, les séquences sur un jeu scénarisé. Donc c'est peut-être que le jeu est peut-être plus avancé que ce qu'on pensait. Ce qui est intéressant, c'est la date prévue que le contrat se termine en juin 2021. Parce que pourquoi pas, si Sony doit lancer quelque chose courant 2022, peut-être 2022, voire pourquoi pas fin 2021, ça pourrait concorder avec un jeu de lancement d'un éventuel casque prochain. Pour l'instant, c'est juste un indice, c'est juste quelque chose, mais bon, ça peut être intéressant. Ça reste de la spéculation pour le moment, il faut le rappeler, hein, y a pas de... Voilà, c'est... Ah ben voilà, c'est... l'offre d'emploi, elle est bien réelle. Oui, bien sûr. Ça sera cross-gen. Voilà, maintenant, bon ben... C'est toujours intéressant... Bah oui, ça peut. Oui, peut-être. Sûrement. Sûrement d'ailleurs, oui, bien sûr. Avec les dernières allégations de Jimmy, c'est sûr. Mais voilà, le contrat, il est de janvier à mai 21, à mai 2021. Donc ce sera du mode boost. Pas forcé. Parce que si c'est juste pour de la cinématique, ça ne veut pas dire que le jeu soit terminé. Si derrière il y a encore un peu de travail, c'est peut-être quelque chose qui est prévu pour un lancement. Parce que bon, s'il nous balance un PSVR 2 un jour ou l'autre, il va bien falloir qu'il y ait des jeux de lancement. Donc à suivre. Puis là, c'est London Studio, comme c'est pas. Oui. Très donc bien. À suivre. Voilà. Okay. Qu'est-ce qu'on avait d'autre d'intéressant ? On avait le PDG du studio, qui est celui qui a fait le jeu Waltz and Wizard. Donc c'est Aldin Dynamics. Donc ce monsieur, alors c'est un prénom un peu bizarre. Donc il s'appelle Rafn Thorisson. On va pas essayer. C'est pas mal. Je trouve ça bien. H-R-A-F-N. Je sais pas comment on peut prononcer. Donc lui, il a annoncé clairement sur Twitter qu'il stoppait toutes les mises à jour, donc notamment la dernière mise à jour Natural Magic du jeu Waltz of the Wizard qui devait sortir. Donc là, il a gelé absolument tout ce qui concerne le PSVR parce que justement, n'ayant aucune visibilité à long terme sur le devenir de la VR chez Sony, il dit... On se met à sa place, on le comprend, il a des gens qui travaillent pour lui, il ne va pas mettre des ressources humaines et financières en route si c'est pas ce qui va se passer plus tard. Surtout qu'un jeu, ça ne se fait pas en 2 semaines. C'est une sorte de coup de gueule, un petit peu, de ce développeur. C'est exactement ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il m'a dit, qu'il en avait un peu marre, en fait, parce qu'il dit, lui, il a des jeux, il a déjà un jeu qui est sur PSVR. Ça représente du travail, hein, de développer des DLC, de développer des mises à jour, des choses comme ça, et il dit pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de visibilité, je préfère développer ailleurs et puis pas perdre mon temps. Donc il a bien précisé, c'est plus un coup de gueule pour essayer de faire réagir que vraiment pour, parce que bon, il crache pas dans la soupe, hein. Il dit que dès qu'il en sera plus, il n'y aura pas de souci. Ça débloquera la situation, mais pour l'instant, bah, tant qu'on ne sait rien, il arrête. Il y a un truc qui est un petit peu tendancieux là-dedans, c'est que, ok, on arrive à comprendre effectivement ce genre de réaction, mais ça prend un petit peu en otage les joueurs qui ont acheté le jeu aussi sur PSVR. C'est un petit peu dommage, ça. Oui. Bah, disons oui. Que tu te mets à la place. Disons que le joueur. Ah oui. Non, bah, disons que le joueur, il n'a pas grand-chose à perdre. Il aura juste un DLC en moins. Un petit studio qui a 6 ou 7 développeurs qui ne gagnent pas des millions. S'il commence à investir tout son temps à faire un jeu PSVR et qu'à la fin, il s'aperçoit que le PSVR est annulé et qu'il n'y a plus rien, c'est le studio qui risque sa vie. Là. Je me mettrais plus du côté du studio. Le joueur, il a déjà acheté le jeu, il n'a pas son DLC. Au final, il ne nous prend pas plus en otage que PlayStation. Voilà. C'est ça. Non, moi, ça ne me choque pas en fait, comme réaction. Après, chacun verra le truc de sa façon. Et puis, enfin, il y avait Ven Adventure. C'est Monologic Games qui avait annoncé depuis le début la sortie de Ven VR Adventure, l'espèce de petit Ratchet & Clank à la troisième personne tout en VR. Donc là, ça faisait je ne sais pas combien de temps, je crois que même quand ils avaient fait leur campagne de financement, ils avaient déjà parlé du PSVR, ils ont teasé le PSVR tout le long. Et puis là, ils ont annoncé la sortie du jeu, et puis surprise, enfin c'était même pas une surprise, tu me diras. Ouais, donc le jeu est annoncé sur Oculus Rift le 17 décembre, et il arrivera au premier trimestre 2021 sur Quest et Quest 2. Mmh. Et puis un peu pareil, la version PSVR est un peu mise sur la touche pour l'instant parce que c'est pas une priorité vu que c'est déjà sur PS4 une console qui est en fin de vie et PSVR un casque qui est en fin de vie également. Donc pour l'instant le studio met en pause. Par contre la version PSVR n'est pas annulée, ça faut bien le préciser pour l'instant. Ils ont dit qu'ils voulaient se concentrer sur les autres versions qu'ils avaient déjà sorties avant de développer celle du PSVR. Voilà. Ils ont mis un communiqué officiel. Alors, le communiqué officiel fait un peu peur parce qu'ils présentent leurs excuses quand même. Et puis, le ton du communiqué, on se demande s'ils ne sont pas en train de nous lâcher le PSVR également. Mais ça, on le saura dans 6 mois. Ils vont peut-être nous dire que finalement, il n'y a pas assez de ventes. Et puis voilà. Déjà, un truc qui est bien, c'est qu'ils ne lâchent pas le Rift S. Ça, c'est bien. Oui. Comme Oculus. Ça fait plaisir pour ceux qui l'ont acheté et qui se sentent un petit peu blousés de ne pas pouvoir essayer le dernier Star Wars dessus. Putain, mais en fait, la VR, c'est que des gens blousés, quoi. Mais c'est un petit peu ça le problème. Plus t'investis, plus t'as des chances de te faire avoir, quoi. Donc c'est un peu emmerdant, quoi, par les constructeurs. C'est les joueurs qui dépensent le plus, mais qui ont le moins. Mais c'est ça. C'est ça. Il n'y a que là qu'on voit ça. Belle philosophie, ça, les gars. Bonne analyse. Dernier petit truc, on savait qu'aujourd'hui il y a le petit studio de Bordeaux qui a fait Flight Simulator. Je confonds toujours avec Asobi. Asobo de Bordeaux qui a annoncé le mode VR donc sur PC cette fois de Flight Simulator. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un article aujourd'hui justement en cette occasion sur le site qui rappelle quelques petits détails. Concernant pourquoi pas une ouverture de la Series X avec le reverb, le HP Reverb G2. Pourquoi on dit ça à cause de deux choses. Le site officiel de Microsoft, quand on va sur la fiche du HP Reverb G2, on voit que les OS, dans la configuration, les caractéristiques techniques, dans l'OS, il est écrit Xbox One. Alors déjà, ça, c'était un peu bizarre. Upload VR, au mois de septembre, avait contacté HP pour leur demander, et la réponse de HP avait été « Il n'y a pas de support actuel pour Xbox One avec le Reverb G2 ». Donc, pourquoi ils ont précisé « actuel » En tout cas, c'est déjà intéressant que sur le site d'Xbox, sur le site de Microsoft, il y a la mention en système compatible avec le Reverb, la Xbox One, ça peut être une erreur. Après on verra, c'est déjà un petit truc qui peut mettre la puce à l'oreille, sachant que ça fait 3 mois quand même que cette fiche est toujours en ligne et que malgré tous les articles de presse sur son sujet, ça n'a jamais été retiré. Bon, bref. Et le deuxième petit truc, c'était un utilisateur du nom de Signific qui allait tripoter un petit peu le code source du jeu de Flight Simulator 2020 sur PC et qui a trouvé deux variables, dont une PC VR et l'autre c'était Scarlett VR. Donc Scarlett, pour rappel, c'était le nom de code de la série X. Des séries, donc dans les Xbox Series X et, la série S également. Mmh. Ça faisait partie de. Donc pourquoi pas, ça peut se tenir. En tout cas, pour l'instant, c'est juste des petits indices comme ça à prendre un petit peu. Chacun fait ce qu'il en veut. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça remet sur le tapis l'idée d'avoir enfin une console Xbox ouverte à la VR. Moi, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que depuis 2014, en fait, Phil Spencer a toujours essayé de repousser. Alors, de 2014 à 2016, c'était bon, la VR allait arriver. Il l'avait annoncé à l'E3, c'était sûr, ça allait arriver sur Xbox. À partir de là, à partir du moment où ils ont dit que la One X ne serait pas compatible avec la VR, il y a eu un changement changement brutal de communication, où ils ont dit que la VR, on sait ce qu'il avait balancé, tous les trucs qui ont bien fâché tout le monde, hein, surtout ceux qui font de la réalité virtuelle. Après, ils s'étaient trouvé quelques excuses. Il y avait deux ou trois excuses là-dedans. La première excuse, c'était que les fils étaient trop encombrants. Seulement aujourd'hui, il y a le Quest 2, donc on ne peut plus trop dire ça. Peut-être un manque de puissance. La VR, c'était pas encore assez mûr. Mais bon, là, il y a 4-5 ans qui sont passés. Et avec la série X, je pense que la machine a la puissance pour faire tourner de la VR sans problème. Même si on veut chercher un peu plus loin en se disant que avec xCloud, la VR, ça peut poser encore quelques soucis, Shadow, ils sont en train de faire pas mal de trucs et ça commence à fonctionner. Donc avance, là aussi, il n'y a plus de blocage. Donc en fait, là maintenant, s'ils nous disent que la série X, elle n'est pas compatible avec la VR, c'est juste qu'ils ne veulent pas, tout simplement. Ce sera juste politique, quoi. Ce sera, voilà, c'est qu'ils ils veulent pas, point. Mais il faut qu'il y ait, en fait, toutes leurs excuses passées les années passées, il n'y en a plus une qui tient debout aujourd'hui. Donc on attend, on croise les doigts. Ce serait super bien qu'une console comme la... Ça serait super bien pour plusieurs raisons, parce que s'ils ouvrent la série X à la VR, comme un casque avec un Samsung Odyssey Plus ou un Reverb, derrière, on sait que Sony, ils ne vont pas laisser passer, donc ils vont dégainer direct. Pourquoi pas Nintendo qui vont arriver derrière, en plus sur le PC, enfin, c'est tout le marché qui en profiterait. S'ils veulent y arriver, il va falloir qu'ils se réveillent quand même. Attention avec Nintendo, parce qu'ils disent rien pendant longtemps, et puis quand ils tapent sur la table, en général, ça bouge. ouais, mais bon, comment on sait qu'ils ont déjà un décalage par rapport aux consoles next-gen, on demande de plus de puissance, tu vois. Enfin, ça va encore pas être le même niveau, peut-être. Hein. Faut pas... Ah, mais pour faire un Mario Kart en VR, ils sont capables. Sur une Switch 2, un Quest, tu vois, il y a quoi ? Il y a 1,2 teraflop dans un Quest 2, hein, c'est un téléphone. Donc au final, une Switch à, je sais pas moi, à 3-4 teraflop, ça peut te faire un Super Mario Kart en VR, et ça peut plaire. Donc, et puis on sait pas, si ça se trouve Nintendo, cette fois, ils vont dégainer du plus lourd. Je sais pas. Qui sait ? Moi avec eux je me méfie, parce qu'on est tout le temps focalisé sur la petite guéguerre entre Xbox et Sony, et puis Nintendo ils sont tranquilles, on les entend pas, et puis quand ils arrivent, blam, ils cassent tout. C'est un autre marché aussi, ils ont des bonnes idées, ils ont des bons moyens, ouais. Mais voilà, ils sont plus dans le jouet, quoi. C'est la force tranquille, ouais, mais ça marche bien, hein, ça marche bien, et ça marche pas, la marche bien, ça marche bien, au contraire, ils ciblent les gosses. Ils ont raison. Il y a pas que des gosses, hein, qui ouais, jouent, bon le dernier Mario, le kart là qu'ils ont sorti en réalité augmentée avec la Switch. Ah mais là c'est, oui, c'est ce que chouette, je veux dire. C'est... Ouais mais bon, si ça fait l'identité de Nintendo aussi, hein, c'est ce qui on a acheté de... c'est ce qui fait que aujourd'hui, quoi. Mais cette imagination et cette sensation d'innover, un peu ce qu'avait dit Yoshida là, qu'il n'était pas habitué à faire ce que les joueurs demandaient, qu'ils aimaient bien chercher et innover, oui. Nintendo. Ah c'est Nintendo, c'est tout à fait ça, c'est carrément ça. C'est pour ça que le motion gaming, c'est eux. La VR, hein, la console portable fixe, c'est eux. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même ils cherchent, quoi. La Virtual Boy, c'était la première commercialisée grand public. Il y a eu Sega avant, mais Sega c'était pas grand public. Dans l'entrée du studio, on a tous les cartons de Nintendo Labo. Hein. On a construit tous les Nintendo Labo en carton pendant quelques jours. Hein. Ça prend du temps, ça. Ah oui, voilà. Et en plus, ils n'ont pas de problème de montage. Ah oui, c'est ça. Ma d'œuvre pas chère. Tu vois, c'est ça. Tout est pensé. Putain, faire bosser des enfants de 5 ans, c'est dégueulasse. Et le prix que tu payes ton casque en carton, par contre. Non, mais bon, après, voilà, c'est dommage, ça a floppé. Mais ils savaient que c'était pour les gosses. Comme on disait, l'aspect pratique, le fait d'avoir toujours les mains en l'air et tout, ça fatigue. Donc. Je pense que c'était un peu voulu dans le sens où il fallait faire des petites des petites sessions. Et puis de toute façon, tu vois qu'il ne s'est rien passé derrière, hormis Zelda et Mario, il n'y a, plus rien eu d'autre. Quoi. Ouais, mais j'ai vu ça plus comme un test du marché que. Peut-être. Que comme, ouais, bon, c'est un test chez Rose quand même. Les lentilles, elles étaient en plastique en plus. J'ai une petite question pour Olivier et Shérif. D'ailleurs, vous avez dit que vous avez. Donc vous êtes des fans de Nintendo, vous avez Nintendo Labo. Vous avez essayé justement les expériences VR sur Switch? Oui, bien sûr. Ouais. C'est pas beaucoup plus complexe que ce qu'on faisait à l'époque en VR sur les vieux Samsung avec le bout de plastique qui s'appelait le Gear VR. Ouais. Le Gear. Ah oui, d'accord. Et c'est jouable quand même parce que j'avais entendu, enfin il me semblait qu'il y avait Breath of the Wild qui était en version VR aussi, non? Et ça fonctionne. Ouais, ouais, ouais. Fonctionne ouais, bien ouais. Ça on n'a pas essayé parce que. Déjà sans VR, ça rame un peu de temps voilà. en temps. Mais on a fait, non, on a fait toutes les expériences en carton, enfin avec le carton, ce ne sont pas en carton. ça fait rêver à la manière dont c'est dit. Et bah, t'as des petits gameplay, quoi, donc c'est pas des jeux très profonds. Mais les quelques jeux de. Il y a un jeu avec une espèce d'éléphant à construire qui. Tu te prends au jeu sur certains trucs. Mais ça reste des expériences où tu mets 3 heures à monter ton accessoire. Et après, tu joues un quart d'heure. Ouais, d'accord. Ouais, ouais mais t'as, ouais. Le côté, bah, t'as le côté ludique pour les gosses aussi. Enfin, bon, après, si c'est vraiment 3 heures, c'est long pour un enfant, mais. mais tu sens que voilà, c'était pas à destination des adultes comme l'autre côté de la VR, enfin, ou des ados comme l'autre côté de la VR peut être fait. Quoi. On s'est quand même senti obligé de l'acheter, comme tous les autres casques. Ah, R&D. Bah oui, recherche et développement. Ouais, ouais, puis, bien sûr. Et puis, il y a quand même la Madeleine de Proust aussi. Nintendo, on a tous commencé par ces consoles-là. Donc, forcément, quand ils mêlent voilà, nostalgie et innovation, t'as envie de tester quand même. Je crois qu'on a tous une Switch au studio. Malgré d'accord. Tout. C'est vrai. Ouais. Ok. Mais franchement, moi, la Switch 2, je sais pas. Allez, en double la puissance, on va dire. Et là, c'est un Tiger qui est dedans, donc ça doit être du 1 teraflop dedans. Allez, ils arrivent à la doubler, à faire du 2, là, du 3. Attention, c'est Nvidia. C'est hein. Un Tegra. Un Tegra, ouais. Ah oui, Tiger. C'est Nvidia hein, qui développe pour Nintendo, donc Nvidia, Ray Tracing et tout. Tu vas voir que pour la techno, ils vont te mettre du Ray Tracing sur une portable. Avec du DLSS et tout, mon gars. Le concept même de la Switch, c'est justement de pouvoir séparer cet écran et de le glisser dans un casque. C'est ce que je veux, quoi. C'est clair. Je veux mon Mario Kart en VR. Il va quand même falloir changer la dalle et il va quand même falloir une console bien plus puissante que celle actuelle. Mais non. Mais la Switch, tu l'oublies. La Switch 2, tu balances c'est ce une que dalle. Mais c'est ce que je te dis. Dans leur nouveau développement, il va falloir une console avec une dalle plus puissante. Une dalle plus grande. Meilleure résolution, pardon. Un processeur plus puissant. Voilà. Et puis un casque autonome où tu clipses ton écran dans un casque 6 d'off là un truc et puis tu joues en VR directement sur l'écran avec tes deux manettes de chaque côté et enfin elle est faite pour ça enfin, je serais pas étonné qui passe par là bon. Qui teste en tout cas ouais. D'autres infos du coup Laurent ou... Non on a fait le tour pratiquement il y a Sword of Gargantua qui sort le mois prochain quand même oui voilà il y a tout un tas de petits il y a 1976 qui a été annoncé par Ivanovich Game Sword of Gargantua c'est le tu m'as dit le 7 le 8 je sais plus non j'ai dit le mois prochain ouais mais c'est en début décembre hein, il arrive ensuite il y a eu RU 2077 c'est un jeu russe non c'est pas russe c'est polonais non ukrainien ouais ukrainien donc eux c'est pareil ils ont annoncé un jeu donc ça c'est un jeu qui avec le style un petit peu de Borderlands un peu crayonné style BD ils se sont nettement inspirés de Cyberpunk 2077 non, franchement je trouve pas du tout surtout quand tu mets les photos côte à côte franchement voilà à mon avis ils vont se prendre un retour de CD Projekt dans la semaine qui va suivre mais bon parce que là c'est du copier-coller du logo de Cyberpunk 2077 d'ailleurs le jeu RU77 quand il s'ouvre c'est Russia 2077 avec la même police de caractère que Cyberpunk le même code couleur enfin c'est front pareil donc bon ça m'a fait sourire je dis bon on verra bien ce qui se passera et puis qu'est-ce qu'on avait d'autre après si le jeu est bien c'est peut-être pas une mauvaise chose hein. Oui, aussi. Parce que c'est des projets ne voulant pas le faire, écoute, que les autres le fassent. Hein. Le jeu en lui-même n'a absolument rien à voir avec Cyberpunk. À mon avis, ils se sont dit, tiens, on est dans une ville un peu futuriste, allez, on va tout miser là-dessus. Jouer sur l'effet, je me trompe, tiens, putain, il y a Cyberpunk qui est sorti en VR, je vais le prendre alors que ça n'a rien à voir. Ce qui est un peu gênant, c'est que là, ils ont un petit peu joué au con au niveau de la présentation du jeu, pour une bêtise, juste pour récupérer un petit peu de la visibilité. Mais le plus frustrant, ça serait que le jeu soit vraiment bien et qu'ils se prennent un procès et qu'ils coulent le jeu à cause d'une connerie, quoi. Ouais, ce sera pas un procès, ils vont se prendre un coup de téléphone, les mecs ils vont leur dire vous arrêtez vos conneries, vous changez votre police de caractère et vous changez votre charte graphique et le jeu sortira, ça m'inquiète pas, mais là c'est vrai que c'est un peu vraiment exagéré, quoi. C'est de la com. Ok, je pense que voilà, on a fait à peu près le tour. De toute façon, vous pouvez évidemment retrouver les articles sur verplayer.fr comme d'habitude. Donc voilà, ça y est, c'était le grand jour. T'as enfin pu mettre tes mains donc, sur la PS5, Majo. T'as enfin pu faire tes premiers tests. T'as enfin pu mettre tes premiers jeux PSVR sur ta nouvelle console Next Gen. Et tu vas nous faire un petit point, ce que t'en as pensé, tes impressions. Et puis voilà, un petit peu de concret, quoi. Ça va faire un peu du bien. Bah ouais, je fais partie des heureux élus qui ont eu la chance de l'avoir Day One. Enfin, Day 2, pardon. Et Olivier, Shérif aussi, vous l'avez, hein, c'est ça? Ouais, une Day One aussi. Une Day One aussi. Comme ici. Alors, je disais, moi, c'est Day 2, je l'ai eu vendredi. Voilà. D'accord. Déjà, ça commençait mal. Elle ne veut pas de moi, cette PS5. Pas de VR. Enfin, bref. Et je vais la faire courte pour présenter la console parce qu'on l'a déjà vu mille fois. Je vais faire un petit retour sur la DualSense d'abord, puisque ça intrigue beaucoup de monde. C'est assez bluffant, pas pour tout. J'avoue que les gâchettes adaptatives, c'est cool. Astrobot l'exploite plutôt pas mal là-dedans et l'arc est encore une fois la meilleure explication qu'on puisse donner à ça. La vibration, c'est pareil, c'est un peu particulier. Alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est très localisé en fait. C'est malgré encore une fois, il faut avoir la manette en main pour l'imaginer, mais c'est vraiment bien localisé. Ce qui m'a le plus bluffé là-dedans, c'est la sensation de transfert de poids en fait dans la manette. Apparemment, ça c'est bien foutu. Ouais, c'est très très impressionnant. T'as vraiment l'impression que t'as quelque chose dans la manette en fait. Je compare ça à celle de The Room qui était sortie sur PS4, où pareil, tu avais un peu le même système avec les bottes de Astro. Et où tu en avais une petite dizaine ou une petite quinzaine dans la manette, et quand tu secouais, ça faisait du bruit, tu sais. Ça faisait cloc-cloc, comme s'il y avait quelque chose dedans. Ouais. C'est ça. Et en fait, on va dire que c'est l'évolution de ça. C'est-à-dire que maintenant, tu arrives à ressentir comme si les bottes, ils étaient dans la manette et que tu pouvais les faire basculer de droite à gauche, comme s'ils ruisselaient en fait dans ta manette. D'accord. Voilà, de chaque côté. Ouais, donc pour ça, c'est relativement intéressant. Après, j'ai Godfall sur PS5 et qui utilise les gâchettes adaptatives. Maintenant. Dans ce jeu-là, j'avoue que ça fonctionne. Hein. Des fois, les gâchettes elles sont dures et tout, mais j'ai du mal à comprendre encore l'intérêt en fait, de la manip du coup. Donc, c'est peut-être moi qui n'ai pas suffisamment cerné le gameplay pour savoir à quel moment ça intervenait. Mais je trouve que sur ce jeu-là, en l'occurrence, c'est beaucoup plus anecdotique. À voir sur Miles Morales, à voir sur Sackboy, à voir sur les autres. J'ai pas mis la main dessus, donc je saurais pas dire. Mais en tout cas, sur Astrobot, on sent jusqu'où ça peut aller et ça fonctionne plutôt bien par moment. C'est la démo technique, de toute façon, pour la DualSense. Hein. Ça a été vendu comme ça et C'est la démo technique et la Madeleine de Proust. Et en plus de ça, c'est une célébration de tout l'héritage PlayStation. Chaque niveau correspond à une console et y a aussi d'autres choses sur la DualSense. Ouais, y a plein d'easter eggs, de clins d'œil. Enfin, c'est bourré. Enfin, je veux dire, tu peux pas tourner la tête sans tomber sur un truc qui te fait rappeler à une période de la console, à un jeu, à n'importe quoi. C'est bourré de ça et ils ont été hyper généreux là-dessus et ça fait vachement plaisir en fait. Pour les nostalgiques, les vieux comme nous, ça fait plaisir. N'est-ce pas? Mais du coup, toi qui l'as eu en main, est-ce que tu as eu la même sensation que nous? Parce qu'en jouant à Astro, on a été tellement intrigué par les vibrations, tout ça, qu'on se mettait instinctivement à serrer la manette, à être crispé dessus pour ressentir à fond les vibrations. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de vraiment cool parce que tu n'es pas à l'aise, tu es tout le temps contracté et bah au final ça te fatigue. Non. Non, vraiment pas. Après, nous on a l'habitude du motion gaming, de bouger et tout, donc franchement j'ai pas eu ce ressenti là. Je te dis, je suis plus. Je suis plus sceptique sur les vibrations dans certaines situations. Il y en a qui ont parlé de l'eau et je vais dire la même chose. Quand tu marches sur l'eau, bon, tu sens pas spécialement de trucs. Pareil, quand tu as des moments, tu vas marcher sur un nuage, tu sens que ça vibre, mais réellement, je sais pas l'impression que ça fait de marcher sur un nuage. Donc je peux pas te dire. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Enfin, déjà, c'est pas possible à la base. Si on veut rester terre à terre. Et du coup, voilà, j'émets quelques doutes là-dessus, mais par contre, tu vois, j'ai vu des jeux comme FIFA où ils veulent utiliser la gâchette pour les courses accélérées des joueurs, où bah, plus ton joueur sera fatigué, plus la gâchette sera dure à enfoncer pour que tu puisses courir. Ça, tu vois, je trouve ça malin parce que en fonction du joueur avec qui t'as le ballon, ça aide le gameplay. Tu te dis, ah putain, c'est dur, il est fatigué, tu vois, c'est évident de regarder la jauge. Donc là, ouais, je trouve que c'est des bonnes intégrations gameplay et à voir dans le temps. De toute façon, c'est les premiers jeux. Mais il y a pas mal de potentiel. Et du coup, on va en parler après pour la VR, quoi. Okay. Je voulais enchaîner là-dessus, attendant que le sujet arrive. On attend que ça, quoi. Sortez-nous des moves avec ça. Hein. Franchement. Non, mais c'est vrai. C'est tout ce qu'il nous faut. Enfin, je veux dire, pour rajouter à l'immersion, c'est tout ce qu'il nous faut, quoi. Alors, il y a deux brevets qui ont été publiés le 12 novembre. Donc publiés. Par contre, ils ont été. Il y en a un d'eux qui a été déposé en juillet 2020 par Sony Interactive Entertainment. Et alors, c'est marrant parce que c'était justement des brevets de PS Move. C'est le même brevet qu'on suit depuis 2015, en fait. Le premier brevet a été déposé en 2015. Après, on en avait parlé en 2017, il avait été mis à jour. Et depuis 2017, il est fréquemment mis à jour, ce brevet. Il y a toujours une ligne en plus, il y a toujours quelque chose en plus. Donc, on avait vu que ce brevet, il avait été mis... ils avaient rajouté... Alors, au début, c'était parti sur des commandes haptiques avec une espèce de chaînette qui était à l'intérieur du socle du PS Move pour copier des moyens de pression. Tout ça, ça a été supprimé. Maintenant, c'est des capteurs. Parce que Sony a racheté une entreprise, justement, de capteurs haptiques en 2018, je crois, à peu près. Donc là, ils ont rajouté toute la partie haptique qu'on peut retrouver sur les Knuckles de chez Valve, ce qui est intéressant. Donc, on peut s'attendre à ça. Après coup, ils avaient un peu arrangé le design du truc, parce que c'est intéressant aussi pour un brevet d'avoir des dessins techniques aussi poussés. En général, un brevet, les mecs, ils savent pas dessiner, c'est des trucs tout moches. Et là, c'est vraiment des vrais dessins techniques complets. Et donc, le 12, ils ont rajouté un retour de force sur la gâchette. Donc, on se rapproche petit à petit de ce qu'on peut trouver sur une DualSense. Et c'est marrant parce qu'il y a deux brevets, en fait, qui ont été parus le même jour, le 12. La partie logicielle pour la gestion de ce retour de force. Et le deuxième, plus technique, où on voit comment ils intègrent le moteur dans la gâchette. Donc ça reste du brevet, ça ne veut pas dire que ça sera commercialisé. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en juillet 2020, Sony travaillait encore sur des PS Move. D'accord, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Voilà. Faut pas non plus se mettre bien en tête et puis commencer à spéculer sur le nouveau PSVR ou de nouveaux Move, en tout cas dans les prochaines années. Mais en tout cas, voilà, ça donne des pistes. Ce qui est sûr aussi, c'est que Asobi, ils ont bien mis notre petit clin d'œil du bot qui regarde son petit joystick et avec son casque VR sur la tête, quoi. Ce que je disais dans la vidéo, ça c'est sadique s'il n'y a rien derrière. Ouais, j'avoue, là il y a gros troll quand même. Olivier, Chérif, justement, vous avez la console, vos premières impressions, parce que ça fait quelques semaines qu'elle est, enfin une semaine qu'elle est sortie, vous en pensez quoi, justement, à peu près, cette console? Alors, ça fait très longtemps. Ça fait depuis au moins la transition entre la PS2 et la PS3, qui est pour moi la dernière grosse transition technologique. La PS1 et la PS2, c'était incroyable, c'était magnifique. Ouais. La PS2 et la PS3, on a apporté beaucoup l'éclairage, le réalisme. On a eu toute une génération avec des jeux qui étaient marron, gris, on se prenait au sérieux. Et du coup, le passage de la PS3 à la PS4, on avait dit à l'époque que c'était beaucoup sur l'éclairage qu'on allait gagner des choses. Et là, entre la PS4 et la PS5, après, on en est au balbutiement, hein, de ce que va être la console. Mais j'ai l'impression de jouer à un jeu PC au final. Ouais. C'est pas plus. C'est impressionnant parce que bah, ça reste une console et c'est le hardware qu'on voit dans son état actuel que les développeurs vont pousser jusqu'à faire des choses magnifiques en fin de vie de la console. Mmh. Mais vraiment, pour moi, l'innovation, c'est vraiment au niveau de la manette. Mmh. C'est ça et ça ne fait que. On ne peut que rêver de ce que ça va devenir avec la VR. Quand ça sera utilisé, voilà, au fur et à mesure que les développeurs justement vont appréhender un petit peu cette nouvelle technologie. Oui, complètement. Mais c'est peut-être aussi justement ce manque de gros gap qu'on passe entre la PS4 et la PS5. Ça vient aussi du fait que les jeux vont être cross-gen pendant un sacré bout de temps aussi. C'est vrai. Parce que, ouais, et puis voilà que les nouvelles consoles, que ce soit la série X ou la PS5, comptent aussi beaucoup sur la rétrocompatibilité pour justement pas perdre toute la base de joueurs qu'il y avait sur la précédente génération. Donc pour le moment, c'est vrai qu'à mon avis... C'est vrai que ça va être un effort supplémentaire pour les développeurs. On a d'autres casques hein, qui n'en souffrent pas. C'est par exemple le Quest. Le Quest 1 et le Quest 2, même si le Quest 2 il explose le premier, on a eu zéro optimisation à faire pour le pousser le truc à fond. Il faut que chaque jeu soit compatible avec le premier casque. Et le premier casque, à l'époque, quand on l'avait annoncé, enfin, quand Facebook et Oculus l'avaient annoncé, ils disaient que c'était la puissance d'une Xbox 360. C'est ça. Sauf qu'il fallait la faire tourner à 144 FPS. C'est ça. Compliqué. Mais du coup, ouais, C'est un bridage. Du côté d'un développeur, c'est pas si rare en fait d'avoir à supporter autant de plateformes. Surtout pour nous, en tant que développeur VR, on a commencé Star Shaman avec 70% des casques sur lesquels on a release le jeu. Donc on a eu le Quest en cours de route, on a eu le Quest 2 en cours de route. Je crois qu'on a eu l'Index aussi. En cours de route et le Cosmos, le HTC Cosmos, c'était toujours de très bonnes nouvelles hein, d'avoir de nouveaux casques, mais ouais, il fallait un peu se creuser les ménages pour avoir une compatibilité hardware qui ne nous repousse pas à refaire certaines parties du gameplay. C'est l'avantage d'avoir des parcs consoles parce qu'ils sont stables au moins. Tu vois, le PSVR, ça fait un moment qu'il existe et il n'a pas été upgradé. Ta console, tu la pousses de plus en plus, mais ça reste la même architecture. C'est aussi plus exigeant en termes de développement. Et c'est certain que tu as un gain de sérénité à développer sur du monoplateforme. D'accord, ouais, c'est un petit peu le revers de la médaille. Quoi. Sur PC, tu as le choix, mais tu as peut-être même trop le choix. Quoi. Et tu peux vite être perdu entre... Les jeux qui sont adaptés, même là, je vois, j'ai un Rift S, hein, c'est-à-dire que je peux jouer aux jeux Steam, je peux jouer aux jeux sur Oculus, évidemment. Ouais. Je peux pas jouer aux jeux exclusifs Quest 2, et ça, putain, j'ai bien les boules. mais voilà, il y a certains jeux sur Steam, justement, qui sont pas forcément bien adaptés au niveau des contrôleurs, notamment sur l'Oculus Rift S. Donc, ça demande un effort supplémentaire, effectivement, aux développeurs pour rendre leur jeu compatible le plus possible sur tous les casques. Quoi. À mon avis, ouais, c'est souvent des patchs hein, qui viennent peaufiner un peu le mapping des boutons, des choses qui sont à ajuster en fonction de tel ou tel casque. Ouais. Bah, justement, vous parlez de mapping tu parles de mapping de boutons, pardon. Le retour haptique, ça pourrait être une solution à ça aussi. Hein. En fonction de où ça vibre dans ta main, ou l'intensité, ou tu vois, tout ce genre de trucs, ça peut te donner des infos que tu n'as pas besoin de consulter via un bouton dans le hub ou dans le menu. Quoi. C'est vrai, c'est ce que tu disais. Ça peut aussi permettre. Avec l'index, là, que tu peux presser plus ou moins fort, s'il y a le même genre de fonction sur les brevets Sony. Ouais, voilà, ça peut ouvrir pas mal d'opportunités. Donc c'est là où ça sera intéressant pour moi de voir l'avenir, et puis surtout si ils mettent ça dans des futurs contrôleurs PS Move en plus d'un joystick. Bah, l'article sur les brevets PS Move sort demain. Pour, donc parfait. Du coup, il sera dispo. Il y a deux jours. Voilà, quand le podcast sera en ligne, il sera déjà dispo sur le site. D'accord. Comme ça, j'ai bien la pression, c'est cool. Seulement 200 demandes. On a daté. Ensuite, Majo, donc t'as essayé aussi des jeux PSVR, j'imagine, sur la PS5. J'en ai essayé beaucoup. Alors, j'avoue que la logistique, c'est pas mon fort. Alors, on va déjà commencer par les points qui fâchent. démonter le casque et la caméra à chaque fois, pour chaque utilisation et chaque test de jeu, c'est la misère. Voilà. Avec le chat qui passe dans les fils et tout, ça fait la merde. J'ai pas de chat, j'ai un enfant, mais... c'est pire, c'est encore... Non, ça va, elle est mignonne. Elle respecte ça, au moins. Mais... Non, déjà, c'est le premier point noir. Franchement, bon, ça n'a rien à voir avec la console en elle-même. Parce que, bon, si t'es un mec lambda, tu prends ta nouvelle console, tu branches ton casque dessus et t'en as qu'une et c'est terminé. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas mal galéré. Ensuite, au niveau de l'install, ça aussi très compliqué. Beaucoup de jeux à récupérer. Alors, tout ce qui est des maths, ça va, j'ai pas été trop ennuyé. Par contre, pour tous les jeux à disque, j'ai eu quelques soucis. Alors, je sais pas si c'est moi qui est merdé ou si c'est pour tout le monde pareil, mais j'ai pas réussi à faire les mages en n'ayant pas les disques dans le lecteur. Voilà, ça me mettait les mises à jour en pause pour certains jeux. Donc, c'est très étonnant, ça. Surtout pour le multitâche, quoi. Donc, c'est vrai que je pouvais pas jouer à autre chose. Ça a été un peu complexe. Ah oui, j'ai eu aussi, c'est vrai, ma belle magouille. J'ai voulu transférer les données en Wi-Fi via ma connexion internet de la PS4 à la PS5. Donc j'ai voulu transférer toutes mes données, et tu peux transférer donc les données de jeu, pas uniquement les données sauvegardées. Et donc j'en avais à peu près pour 600 ou 580 gigas. Donc je me suis dit, je me lance, et j'ai attendu 6 heures. Et en fait, ça n'a pas marché. Donc je vous le déconseille fortement, si jamais vous achetez la console, ne transférez pas tout d'un coup via Wi-Fi, ça peut déconner et puis tu peux perdre vite une journée. Transférez plutôt les sauvegardes via le cloud et installez vos jeux un par un ou retéléchargez-les via le store, ça sera plus simple. 650 gigas de données, t'as blindé en fait le disque dur de la PS5 direct, non ? Ben, en fait, j'ai transféré ce que j'avais sur la PS4. Donc je... Il y en a qui te disent, oui, c'est inadmissible, c'est pas beaucoup. Enfin bon, je dois avoir une vingtaine de jeux installés sur la console, quoi. Et je joue pas à tout. Oui, voilà, tu joues à combien sur tous ces jeux-là, quoi. C'est ça. Donc là, dont Red Dead 2, d'ailleurs, qui pèse très lourd. Donc, Tu sais, Majo, tu t'es jamais demandé pourquoi t'étais le seul à avoir une PS5. En fait, tu essuies les plâtres. Puis comme ça, nous, on rit derrière, on se moque de toi. J'avoue. Nous, on te laisse faire. Non, et puis quand tout ira bien. Merci les gars, c'est gentil. Merci de votre soutien. Hormis ça, sinon, ça s'est relativement bien passé. Je vais parler aussi de la polémique des ventilateurs. Parce que c'est formidable. Donc, pour information, moi j'ai la troisième version du ventilateur. J'ai celle qui a été démontée par l'architecte là, de PlayStation. Ah. Voilà. Donc, il y a bien trois versions de ventilo, vraisemblablement. La mienne ne fait pas spécialement de bruit. Il est plus joli celui-là de ventilo, je trouve. Ouais, bah il est plus comment dire. Tu t'en fous un peu de s'il est joué. Bah oui, plus elliptique, tu vois. Tant qu'il fait pas de bruit, t'en fous. Justement, il fait pas de bruit quand il souffle. Par contre, j'ai un petit cliquetis, si tu veux, comme s'il y avait du jeu dans le ventilo. Et ça s'entend à basse vitesse, en fait. Ça commence bien. Ça commence bien. C'est... Et j'ai eu un crash de Godfall. Voilà. Sinon, absolument aucun problème. Tout va bien. D'accord. Pour l'instant. Okay. Et ensuite, pour ce qui est les crashs, concernant les crashs, apparemment, il y a des gros soucis avec. Attends, c'est quoi déjà C'est tout lié avec le. Ah, j'ai zappé, je l'ai lu il y a pas quelques. Il y a le port USB temps. Devant Le Le port USB en façade. Oui, voilà. C'est tout lié avec les mises à jour. Port USB en façade. Non, c'est le programme. Ah, je sais pas. Ah, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Bon, enfin bref, en tout cas, ça a bien fonctionné. Ils en ont parlé de ça. Ils en ont parlé cette semaine. Ah, je sais plus. Je vais le retrouver, je vous le dirai. D'accord. Ça marche. Donc, moi, je te dis, hormis ça, j'ai pas eu de problème particulier. C'est même ma PS4 qui a planté pendant le transfert, qui n'a pas voulu s'éteindre d'ailleurs. Ouais, elle a senti un petit peu le danger, je pense. Ouais, donc ouais, elle allait finir dans un placard. Et voilà. Tu veux me virer ? Mais non, pas encore en plus. Attends. Non, pas encore. Tu vois tes sauvegardes. Et puis ouais, pour les jeux, donc j'en ai essayé quelques-uns. Alors pas tous, hein, encore une fois, parce que la logistique. Hein. Et puis surtout, je m'y suis repris à plusieurs fois parce que tout n'est pas flagrant quoi, sur chaque jeu. Par exemple, Half-Life Alyx, il passe bien sur PS5 ou pas? Franchement, il est au top. La vidéo YouTube passe très très bien en 4K. C'est ça. Ouais, non, vraiment. Pas en VR par contre. Non, en VR, ça passe plus. Ah, tu sais que j'ai eu le micro-doute pendant au moins une demi-seconde. Ouais. La foule bien loupée, vu, ça y... c'est le but. Hein. Le mec est crédible. Et donc j'ai commencé par Blood and Trust parce qu'il était patché. Donc j'ai commencé par la version PS5. Je me suis fait le niveau. Alors pour ceux qui l'ont fait, si vous vous en rappelez, le niveau du casino. D'accord. Où tu dois poursuivre, j'ai oublié son nom, pourtant je l'ai fait plusieurs fois, dans les couloirs, enfin dans une espèce de scène de course-poursuite où tu finis par te défenestrer, qui était quand même assez épique. Et ce qui m'a le plus sauté aux yeux, c'est le framerate. C'était le niveau de la démo en fait, c'était un des premiers niveaux qui avait été, montré, ouais, il me semble. Ouais, montré en trailer, ouais, tout à fait. Et donc du coup, ouais, le framerate, franchement, ça saute aux yeux. C'est assez impressionnant, c'est stable, et surtout, ça donne une impression de réalisme, en fait, que surtout dans Blood and Trust, où tu as quand même des personnages qui sont tirés vers le réalisme, ça donne vraiment une sensation de présence. Alors, je sais qui pas, sont en face de toi, ouais. Voilà, c'est vraiment, ça joue vraiment sur l'ambiance générale. Juste par le biais du framerate. Après, tu as les textures qui sont effectivement de façon plus détaillée puisqu'elles sont affichées en 4K et ça se voit. C'est pareil, ça se voit, y a moins de flou, c'est plus détaillé aussi au niveau des effets lumineux, je trouve. Au départ, on est dans une cour à l'extérieur et il pleut, et l'ambiance générale, enfin les effets de lumière, tout ça, la distance, vraiment tout était meilleur. Et en fait, j'ai refait le jeu sur PS4 après. Et en fait, la différence, elle est pas si flagrante que ça par moment. Alors, je me suis arrêté devant un ascenseur il est en aluminium brossé. Alors, c'est tout con, hein, c'est des détails, mais bon, dans la VR, c'est ça, hein, j'aime bien regarder et tout. L'effet métallique, près, voilà. La différence entre l'œil droit et l'œil gauche. Ouais, j'ai trouvé ça super impressionnant. J'ai fait un petit effet waouh pour le coup. Et en fait, quand je me suis remis sur la version PS4, c'est pas si dégueulasse que ça finalement. Donc, il y a aussi un petit effet placebo de temps à autre, je pense. Y a quand même une belle évolution, ne serait-ce qu'au niveau du framerate et au niveau de la définition. Où là, c'est assez flagrant, quoi. Par contre, j'ai eu quelques bugs, et j'ai aussi noté ces bugs sur d'autres personnes qui l'ont testé, au niveau du son. Par exemple, la phase en question que j'ai faite, là où tu poursuis le mec dans le couloir, tu arrives à le rattraper, et à la fin, il y a un dialogue, il y a une interaction entre les deux, en fait, et le mec bougeait les lèvres comme s'il parlait, mais il n'y avait pas de son, rien du tout. C'était même pas désynchronisé, c'était vraiment qu'il y avait... Non. Et j'en ai pas eu qu'un. Voilà, donc j'ai trouvé pas mal de bugs de son sur Blood and Trust. Et tu l'as fait avant ou après patch PS5? Après. Après, voilà, d'accord. Donc c'est en plus, il y a le patch... le jeu est patché, ouais, tout à fait. Voilà. Le patch spécial PS5, quoi. Oui, tout à fait. Donc du coup, tout n'est pas parfait, malheureusement, mais... ça reste quand même une expérience visuellement plus qualitative. Par contre, pour le son, j'avoue que, enfin, moi je le répète quasiment à chaque fois, mais j'y accorde beaucoup d'importance. Et là, c'est moins flagrant, quoi. Enfin, pour le coup, c'est plus ennuyeux. Ça se patch, hein, je pense, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Mais enfin, bon, faut quand même le dire. Je veux dire, on peut pas dire, le jeu est formidable. Franchement, ça améliore tout, alors que c'est pas le cas. Du coup, j'insiste là-dessus. Voilà, si jamais il y a un truc à faire, je suis pas le seul à le faire remonter. Ça déconne à ce niveau-là. Après, sinon, voilà, tout le reste, le jeu est toujours aussi fun, bien entendu. Je pensais qu'il aurait vieilli, mais en fait, pas tant que ça. Et ce petit coup de boost est assez agréable, mine de rien, à regarder, quoi. C'est un confort visuel dont tu auras peut-être un petit peu de mal à passer maintenant que tu es passé à la vitesse supérieure, quoi. Ouais, encore une fois, je te dis, c'est pas, ça se voit beaucoup au niveau de la définition. Voilà, vraiment, c'est, enfin, la définition et le framerate, c'est vraiment ce que ça change pour l'instant. Sur les jeux que j'ai testés, en tout cas, parce que j'ai pas tout testé. Et voilà, enfin, quand je dis, c'est l'amélioration visuelle, mais c'est ce que je disais, c'est que ça reste pour moi le minimum à faire. Et encore, c'est des jeux existants, donc à voir sur les autres jeux qui sortiront, notamment Hitman, si s'il arrive à profiter de tout ça. Comment ça sera, on sait que bon, il y a 99% de chance, on a toujours le 1% restant, c'est l'espoir. Ouais. Il y a 99% de chance qu'il n'y ait pas de, qu'il y ait pas de, de patch PS5 à proprement dit. Donc écoute, sur les nouveaux jeux, si on arrive à avoir cette qualité d'image en plus du son, ça peut vraiment le faire. Voilà. T'as essayé d'autres jeux du coup? Ouais, après j'ai testé Squadron. Alors Squadron, c'est un peu le même trip, si tu veux. Je l'ai fait encore une fois sur PS5 pour commencer. Et je me suis dit, ouais, c'est vachement plus joli, c'est vachement moins flou et tout. Et en fait, j'ai refait donc toute la partie tutoriel et du côté de l'Empire et du côté des rebelles. Mmh. Et il y avait ce fameux niveau donc dans Port Fostar qui était très très flou sur PS4. Et du coup, je me suis dit, je vais faire ça pour vraiment voir ce que ça donne. Et en fait, bah, c'est pas vraiment moins flou, mais alors j'ai regardé, apparemment, il y a un système de résolution dynamique. Déjà intégré dans Squadron pour sa partie VR. Alors je suis pas sûr de ce que j'avance, mais j'ai lu ça à confirmer. Mais du coup, il y a quand même un gap sur certains niveaux. Alors le premier niveau que j'avais fait, je me suis dit putain, c'est magnifique et tout. Et en fait, c'est un niveau qui est très simple où t'as juste une station au centre de la galaxie en gros, sans rien autour, pas de planète, pas de débris, pas d'effet de lumière particulier, enfin pas d'aurore boréale ou de trucs comme ça. Mmh. Et enfin pas aurore boréale, enfin bref, on m'avait compris. Et du coup, j'étais hyper emballé, je dis putain, c'est magnifique, c'est hyper net et tout. Et en fait, quand j'ai refait ce niveau avec Port Fostar derrière, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est pas si différent que ça. Mmh. Et une fois que j'ai passé du coup sur la version PS4, je me suis aperçu que sur ce niveau-là, en tout cas, c'était quand même assez similaire. Mais par contre, le framerate lui aussi, il est grandement amélioré. Pas de problème de son sur celui-là, mais encore une fois, il y a un petit souci technique. J'ai essayé de le capturer en vidéo, mais je pense pas que ça se verra. J'ai un dédoublement d'image quand je bouge trop vite la tête. Alors je pensais que c'était dû au tracking au départ, donc j'ai réglé ma caméra et en fait ça n'a absolument rien changé. Et donc j'ai l'image en fait qui se dédouble, et pour l'expliquer, c'est comme si je regardais une vidéo 3D sans lunettes. Voilà. Parce que ça me fait par endroit, si tu veux. Très bien. C'est une question. Ouais. C'est pas une instabilité de la fréquence, ça? Possible. Très honnêtement, je saurais pas le dire, mais j'ai essayé de le capturer là pendant un moment dans ma vidéo. Enfin, je fais que des mouvements de gauche à droite avec la tête assez rapide pour justement essayer de capter ce truc et de voir bien ce que ça fait. Mais j'avoue que par contre, c'est assez désagréable. Sans les deux yeux, ça va pas se voir, je pense. Mais... Ouais, mais c'est pour ça, je l'ai fait assez longtemps quand même, mais je me suis dit la même chose étant donné que... Si, à la limite, tu regardes une de mes vidéos que je monte sur des jeux PC. Tu sais, il y a une espèce d'effet complètement dégueulasse, quand je bouge la tête, ça dédouble aussi les images et ça rend le jeu tout moche. Ouais, mais c'est ça, ouais. Ça fait une espèce de filigrane à côté, enfin, je te dis, c'est vraiment désagréable, quoi. Ça fait comme une saccade ou une chute de framerate, enfin, c'est pas top. Donc là, tu vois, je me dis encore une fois, je sais pas si c'est que le jeu est pas bien optimisé ou si c'est que vraiment il y a un souci avec la compatibilité du PSVR à 100%. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il y a ça? Bon, c'est une nouvelle machine, tu me diras, c'est une architecture nouvelle, donc forcément ça peut pas toujours fonctionner à 100%. Mais voilà, il faut noter que tout n'est pas parfait encore une fois. Sur ce jeu-là aussi, il y a 2-3 trucs qui sont gênants et surtout qu'on n'a pas sur PS4 au final. Voilà. D'accord. Mais tu nous avais dit aussi avant l'émission que t'avais quand même un gros gain de netteté aussi sur les décors dans le fond. Et que c'était à part la dalle et la résolution de la dalle. Alors oui, ça c'est ce que je te disais, c'était sur le premier niveau. D'accord. Sur celui que j'ai testé à la base où il n'y avait rien en fait. D'accord. Donc c'est pas généralisé à tout le jeu quoi. Alors voilà. Et c'est pour ça que je te dis, il parlait de résolution dynamique. Alors, est-ce que ça a un lien avec ça? Le premier niveau, il n'était pas terrible. Hein, même sur PS4 Pro, mais je te dis, alors, piquait les yeux. C'est mieux. Alors, en plus, il a été patché hier avec les ajouts de contenu. Et il y a aussi un patch note qui est passé pour profiter des améliorations des consoles next-gen. Mais... Il n'y a rien de particulier sur le PSVR, il y a des, il y a des améliorations VR, mais pour la partie PC, rien de directement cité pour le PSVR, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc sur les jeux de lumière, notamment des effets d'ombre dans le cockpit que je n'ai pas souvenir d'avoir vu avant. Donc, encore une fois, voilà, c'est assez compliqué de jongler entre les deux et de voir la diff. Il y a un gain pour certains trucs, il y a des bugs pour d'autres. Voilà. Sur Squadron aussi, j'ai constaté ça. Et le dernier que j'ai testé, alors là par contre, ça a été l'éclate, c'est Dreams. Ah oui, celui-là on l'attend aussi bien au tournant. Celui-là. Dreams, c'est formidable. Là ça... par contre, ah ouais, là c'est... Olivier, Shérif, vous avez eu l'occasion de le tester, Dreams, justement, sur PSVR ? Shérif a passé des heures dessus à vous en parler. Pourquoi ça m'étonne pas ? C'est vraiment trop bien. C'est ce que je fais la journée, mais le soir, en fait. Pour détendre, tu vois. Ah non, mais grave. Et en plus, là où des gens comme nous qui faisons des jeux du coup, sur des outils qui sont extrêmement spécialisés et pointus, je ne me suis pas senti lésé avec l'interface de Dreams. Au contraire, on s'en inspire parfois quelque part pour réécrire des outils qu'on a en interne. Et d'accord, clairement. C'est... Okay. Non, c'est vraiment, vraiment génial. Et ils ont fait un super taf dessus. Et ouais, la version PSVR, bah, les scènes qui ramaient, vous savez, il y a un petit thermomètre qui indique la complexité de la scène et à quel point elle tournera bien sur PS4, PS4 Pro et finalement PS5. Et ben, en fait, tout ce qui était un peu juste en termes de performance tourne de manière absolument fabuleuse sur incroyable. PS5. C'est vraiment cool. C'est net, c'est il y a pas enfin le framerate il est au top. Moi, alors l'expérience que j'avais le plus vu qui souffrait sur PS4 c'était Quest où c'est un espèce de petit lemmings en fait dans un vivarium où il y a plusieurs zones où il faut activer des pièges, faire récupérer des comment dire des petits objets pour pouvoir débloquer des zones, avancer, enfin voilà. Et ce jeu, c'était une catastrophe en termes de framerate, une catastrophe en termes de définition. C'était l'horreur absolue, quoi. Et enfin, une fois que t'étais bien près du personnage, ça allait, si tu veux. Mais dès que tu reculais pour te mettre à genre 1 mètre ou 1 mètre 50, alors là, c'était hyper flou. C'était un truc de fou. Et donc, c'est le premier jeu que j'ai essayé. Et là, c'est incroyable. C'est d'une fluidité formidable. Je suis vraiment bluffé. À ce niveau-là, parce que je pensais pas que ça apporterait autant. Alors en plus, je crois que Dreams n'a pas été patché. Donc là, on profite uniquement du Game Boost. Arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais j'ai pas vu de. Le dernier patch en date, il date de début novembre. Donc j'ai pas l'impression. Mais justement, patch note passé là-dessus. C'est ce que j'ai demandé. Ouais. C'est ça qui est aussi impressionnant, c'est que le jeu en lui-même arrive de profiter aussi bien, arrive à profiter aussi bien du mode boost, en gros, de puissance de la PS5. Quoi. Et sans optimisation particulière. Dessus, voilà. Et c'est incroyable. Et là, aucune chute de framerate, aucun hockey, rien du tout. Quoi. Par contre, c'est l'optimisation totale. Quoi. Donc là-dessus, je redécouvre pas mal d'expériences. Alors, il y en a plein que j'ai pas essayé. Et que du coup, j'ai encore plus envie d'essayer. Il y en a une, par contre, que j'ai trouvé extraordinaire. C'est dommage que ça soit de jour. De nuit, ça aurait été encore plus extra. Où tu te balades dans un univers cyberpunk un peu à la cinquième élément. Mmh. Avec une DeLorean volante. Et sur un petit fond de musique de Synthwave et sur PS5, je sais pas ce que ça donne sur PS4, j'irai l'essayer, mais c'est incroyable. Enfin, une profondeur de champ impressionnante, énormément d'affichage. Alors après, ça reste du Dreams, hein, mais tout un tas de voitures qui se déplacent avec les phares et tout, qui font des effets lumineux, des enseignes qui clignotent et tout. Enfin, y a quand même un taf de fou. Et voilà, enfin, c'est une expérience vraiment cool. Qui te montre de quoi est capable la PlayStation 5 et qu'il faut vraiment que la VR s'épanouisse là-dessus et que ça continue, quoi, parce que tu peux pas avec une machine pareille nous laisser comme ça, quoi. Voilà. Ça serait inhumain. Ça va être la conclusion de tout ça, c'est qu'avec la machine qu'il y a là et ce qu'on peut avoir avec des jeux actuels, tu peux pas nous laisser comme ça. D'accord. Et Shérif, t'as un nom de compte ou alors des jeux comme ça que t'as créé que les auditeurs pourraient aller voir? Non, je ne les publie Parfait. Pas. C'est, en réalité, c'est beaucoup plus de l'expérimentation et la découverte de la profondeur des outils que, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est absolument fantastique et je rêve. Je rêve de pouvoir tout recréer avant la fin de notre prochaine production pour que du coup nos game designers et intégrateurs s'amusent à créer leur monde directement dans la VR. D'accord. Ça peut être une idée justement pour une aide, on va dire, aux professionnels pour justement des développeurs comme vous. Tu as des idées de gameplay, tu les concrétises, on va dire, tu fais un brouillon sur Dreams. Et ouais. tu peux comme ça montrer tes idées et puis justement faire, commencer à faire même des tests, voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Ouais, pour prototyper, oui, clairement. C'est vraiment accessible. Donc, si tu as une idée, tu peux te faire des concepts assez rapidement par n'importe quel membre de l'équipe. Ouais. T'as pas besoin d'aller chercher un développeur pour lui demander un outil spécifique. Donc, c'est ça. Ouais, c'est un gain de temps énorme. Tilbrush. Ouais. Le Tilbrush, c'est le premier qui nous a fait ouvrir les yeux sur le fait que, il y a des nouvelles façons de créer. On n'a pas besoin d'être des gens hardcore focalisés sur un truc et un seul truc uniquement. Ouais, c'est ça. C'est une grosse aide au développement et c'est bien. En plus, ça peut faire naître des vocations, ce genre de jeu-là. Bien sûr. Et je ne sais pas si vous avez joué à la trilogie Vader Immortal. Si, si, oui. Et ben, vous voyez tous les instants scénarisés, les cinématiques avec les espèces de gigantesques fresques qui se dessinent face à vous. Et ben, je suis certain que c'est du Tilbrush. J'ai pas la confirmation d'un de leurs devs, mais je suis persuadé que c'est fait là-dedans. L'œil de l'expert. D'accord, ouais, c'est. Je sais pas. Il y a des artistes Tilbrush là, qui bossent, qui font des trucs assez épatants. Hein, avec, c'est vrai. Toi, tu dessines des trucs, tu sais même plus où t'es. En tout cas, moi, hein, si tu me donnes des trucs de dessin en réalité virtuelle, je suis capable de me perdre dedans. Ouais, mais, c'est ça. un peu, des fois. Ouais, c'est ça. Nous, si tu nous demandes de faire un carré, on risque de galérer sur le nombre de côtés, quoi. C'est... ça peut être complexe. La VR, ne serait-ce que. Déjà, sur l'entertainment, c'est incroyable. Mais sur ce que ça offre et promet pour l'envers du décor, sur ce que nous on peut en faire, j'en ai des frissons là, rien que d'en parler. C'est un outil professionnel supplémentaire et ce qui est bien, c'est que ça peut aider en plus, pas forcément que des productions ensuite VR, mais aider les artistes justement à concrétiser des modèles 3D pour les inclure ensuite dans des jeux plats, quoi. On va dire plus classiques. C'est tout à fait possible, ça. Ça peut être une esthétique. C'est pas encore sympa, possible, mais ça pourrait bien l'être. Et là où, du coup, avec les outils traditionnels, on est beaucoup plus sur la définition du triangle à compter chaque petit vertex qui compose une géométrie, là, on a un truc un peu plus innocent, un peu plus. Comment dire ? Pas fragile, organique. Mais. J'ai besoin d'un mot là. Fluide. Organique, c'était bien, c'était fluide, malléable. Ouais, plus direct de l'artiste vers le joueur. Plus pâte à modeler. Aussi. Tu prends ton truc et tu lui donnes la forme que tu veux sans avoir à rentrer forcément dans tout ce qui est technique et chiant, quoi. Chiant, ça dépend. Hein, mais... oui, non, mais pardon. Chacun son métier. C'est un métier, quoi. Je veux dire, voilà. C'est... Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, mais quand tu fais du level design, être dans le monde et pouvoir mettre tes chemins, tes plateformes, toi, et ajuster ta végétation directement dans l'environnement, c'est bluffant. On en a fait un petit peu, et c'est vrai que ta mise en place, tu gagnes un temps dingue. Et puis, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le directeur de Media Molecule avait bien précisé que Dreams allait évoluer en trois phases et qu'ils avaient prévu 10 ans de vie pour Dreams. Et la première phase, c'était la commercialisation sur PS4. La phase 2, c'était une extension du jeu sur PS5. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc ils vont maintenant travailler là-dessus. Et la phase 3, ils avaient bien précisé que ce serait une ouverture du soft. Donc ce qui veut dire peut-être de l'importation-exportation à suivre. Ils n'avaient pas donné plus de détails. Il y a déjà eu une expérimentation au niveau d'un export des expériences faites sur Dreams, des rêves. Et c'était en bêta fermé, je crois. C'était au tout début, pendant qu'ils commençaient à expérimenter avec différents modèles. Et ouais, là. Ça... Non, c'est... Après, ça casse un peu le côté Dreams, quoi. C'est parce que c'est un réseau social, au final, derrière. Et c'est le côté instantané de je charge une expérience, je sors d'une autre expérience. C'est comme si on avait finalement eu le droit au SSD de la PS5 avant la PS5. Ouais. Ouais, enfin, Dream, c'est quand même beaucoup plus rapide sur PS5 en chargement que sur PS4. Bien sûr, mais ça nous donnait un petit avant-goût du futur, quoi. Oui, c'est vrai que ça allait quand même très vite. Après, je sais pas, ça peut être sympa de faire un truc plus rapidement dans ZBrush et puis de l'importer dans Dreams. Alors, dans ZBrush, le truc, c'est que c'est plusieurs dizaines de milliards de triangles, de points, de polygones. Eh oui, mais PS5 avec les statues. Bah, apparemment, Unreal 5 permettrait de faire ça. C'est des trillions. C'est intéressant. Ça, c'est intéressant qu'on parle parce que... Laisse Chérif finir, s'il te plaît. Justement, Unreal Engine 5. Ouais, vas-y, continue, mais c'est ce que j'allais dire. Calme-toi. Ça, il est parti. Dans la présentation qu'avait fait Unreal, ils avaient montré leur fameuse technologie qui permettait d'importer des modèles sans avoir à les optimiser en temps réel. Et du coup, ça doit libérer en fait tous les artistes du côté technique de je dois optimiser pour que ça tourne à fond en utilisant des géométries virtuelles. Alors je sais pas comment c'est fait réellement, ils en ont pas dit énormément au niveau de la tech, mais ce serait peut-être une sorte de snapshot, une espèce de proxy où tout serait précalculé au moment où on exporte le jeu. Mais en soi, c'est juste incroyable. Suffit de sculpter dans ZBrush et d'importer ton modèle, C'est qu'il parlait, il parlait de modèles avec plusieurs niveaux de résolution ou de définition différents. Et c'est que c'était autogéré en fait par le moteur. Ouais. Et ça existait déjà dans Unreal 4. Cette technique, ça s'appelle le LOD, le Level of Details. C'est en gros, tu as le modèle source qui est créé par l'artiste, en général en qualité maximum, parce que c'est beaucoup plus facile de dégrader un objet, une texture, que de créer des informations à partir de rien. Même si en vrai, en ce moment, c'est un peu en train de changer. Il y a beaucoup de techniques de machine learning qui permettent d'upscale des images, des textures, qu'on va voir de plus en plus in-game, au fur et à mesure qu'on va avoir des cœurs qui seront dédiés à ça pour libérer le processeur et la carte graphique. Il y a même un truc qui est vraiment cool que fait Stadia, c'est de la reprojection de direction artistique. Le seul truc de Stadia, oui, le seul truc cool de Stadia, c'est que en gros tu peux uploader ton prototype sur Stadia et tu lui envoies une peinture, une image ou tout ce que tu veux, et Stadia, avec du machine learning, de l'intelligence artificielle et des milliards de serveurs, ils vont s'amuser à faire une passe de texturing sur tout ton jeu qui est jouable en se basant sur la peinture, l'image que tu lui as filée. Et en fait, c'est un document de travail absolument fantastique parce que tu gagnes du temps à ne pas avoir à explorer différentes directions artistiques. Tu plaques une nouvelle DA, tu lui envoies un screenshot de Jet Set Radio Future, boum, c'est Jet Set Radio Future, tu lui envoies pourquoi pas un screenshot de Cyberpunk, et c'est peut-être comme ça que c'était quoi, c'était Russia 77, ils ont réussi à avoir leur photo. C'est peut-être qu'ils ont fait en fait, peut-être, qui sait. Je suis un peu embêté moi avec ce ok, c'est le progrès, on peut rien faire contre le progrès, etc., mais quand même la direction artistique dans un jeu, c'est quand même, enfin, en plus vous êtes bien placé pour le savoir, c'est quand même quelque chose qui est super important. Et le fait de laisser une machine le faire, même si tu donnes une indication générale dès le départ, je sais pas, l'artistique, c'est le truc le plus humain qui existe. Alors laisser les machines le faire, ça, je trouve ça un petit peu contre nature, quoi. Alors c'est vrai. Maintenant, ça pour dépend. Contrebalancer ça, moi je trouve ça beaucoup plus important que la vision d'artiste te permette de créer une cohésion globale et de diriger une DA pour un projet avec du coup une vision d'artiste, plutôt que de pousser le côté artisan où tu dois construire avec amour chaque pixel, détail. Chaque détail, chaque brin d'herbe. C'est un art, et c'est très très très respectable, et il a fallu faire ça pendant des années, mais les jeux coûtent de plus en plus cher à faire, et il y a des techniques qui permettent en fait d'aller plus vite. Sinon on ferait tous nos jeux comme Flashback, tout à la main, à passer des semaines et des semaines avant d'afficher le premier pixel à l'écran. Ouais, mais sauf que FIFA, il faut en sortir un par an, hein, donc... étant donné que c'est toujours le même... Ouais, c'est ça. Non, tout va bien. Ah non, il y a les vibrations sur la fatigue des joueurs, non? Ah non, mais ça, c'est pas encore, c'est un patch. Ça, ça vient après, ça. C'est en cours d'année pour te dire, ah, vous avez vu, le jeu évolue, tu vois. Histoire que tu rachètes la saison d'après, tu vois. Ah, mais ça, c'est... On va pas parler de ça. Sujet en brouille, ça. Je pense qu'il faut déjà attendre Unreal Engine 5 qui déboule. Là, tout à l'heure, on parlait de Nanite avec les textures variables. Concernant cet Unreal Engine 5, donc les statues, une seule statue faisait 33 millions de pixels. Donc elle sortait de ZBrush, elle était brute de brute. 33 millions de pixels, 33 millions de polygones, la statue, importée dans Unreal. Et en tout, dans la salle, il y avait 485 statues, ce qui faisait 16 milliards de polygones en tout sur une scène. Ce qui est super intéressant pour un créateur, c'est que le mec, il va faire un arbre. S'il veut faire une forêt avec ça, ce qui est génial, c'est que tu importes qu'une seule occurrence du truc. Alors qu'avant, eh ben, il fallait stocker ça dans la RAM. Quand tu l'importais, c'est ça, hein. Donc, au niveau de la création, ce qui est génial, c'est qu'ils vont pas perdre de temps, comme on disait tout à l'heure, à créer chaque arbre, chaque feuille, chaque truc. Ils vont faire 3-4 arbres et puis ils vont pouvoir les dupliquer pour faire des trucs de dingue. Mais quoi. C'est exactement ce que fait Dreams. Et c'est exactement ce qu'on voit déjà dans Dreams. Mais là, ça va aller encore plus loin. C'est pour ça que la PS5, pour moi, elle sera sur les rails. J'attends vraiment Unreal Engine 5 parce que je pense qu'il va y avoir des choses qui vont changer là. T'as fait le tour du coup, Majo, sur ce que tu voulais nous dire sur ce retour sur la PS5 avec le PSVR. Oui. Tu nous as pas dit si elle a trouvé une bonne place dans ton salon, parce qu'on n'a pas parlé de la taille de la console. Non, il a viré son canapé, il a mis la place. Ouais, non, on peut le dire, elle est énorme. D'ailleurs, moi, elle est couchée parce que si je la mets debout, elle prend la moitié de ma télé. Elle touche mon plafond. Voilà, c'est ça. Limite. Et non, elle est très très grosse. Elle pèse. Tout le monde dit qu'elle pèse très lourd. Bon, elle pèse. Ça reste. Elle pèse pas. Enfin, il y en a qui l'ont pesé. C'est aussi lourd qu'une PS3. Voilà, en étant plus volumineux. D'accord. Et elle fait pas de bruit. Elle chauffe pas. Du moins dans l'air qu'elle évacue. Non, j'en suis globalement content. Elle est assez jolie aussi. Et elle se marie très bien avec mon bordel de câbles sur mon meuble. Voilà. Parfait. Le futurisme rencontre. Et si vous avez une PS5 avec un PSVR, achetez Dreams. Ouais. Même sans PSVR, achetez Dreams, c'est de la balle. Hein. Ouais, mais achetez Dreams avec un PSVR, c'est mieux quand même. Jouer VR, ouais, mais sans PSVR aussi. Tu m'énerves, toi. Ouais, bon. Alors, faut dire que par rapport aux possibilités qu'il a, ce jeu, enfin, il est tellement pas cher, il y a tellement de choses à faire dessus. Et d'ailleurs, je précise, je suis pas créateur, hein, moi, je suis que le mec qui joue au jeu, hein, qui teste les expériences, mais c'est juste formidable. Ouais, même si des fois c'est des trucs qui se ressemblent, t'as toujours un sentiment de découverte, en fait. Je pense que Dreams, c'est encore sous-estimé par beaucoup de joueurs. Oh, oui. Ouais, pas assez connu, on en parle pas. Il a pas encore. Non, mais la PS5 peut lui donner une deuxième vie. Hein, parce que je te dis, moi j'avais un peu arrêté justement à cause des expériences genre Quest et tout. Tu te dis, ouais, bon, c'est bien la VR, mais c'est assez limité sur PS4 au final. Enfin, assez limité dans le sens où dès que tu veux aller pousser un peu le truc plus loin, tu sens les limites même sur la pro. Là, t'as l'impression. Au final, voilà, c'est ça. C'est que t'as l'impression que maintenant il y en a plus de limites avec Dreams. Et d'avoir ce sentiment, c'est bien parce que tu te dis, bah, tout est possible. Donc ça donne envie d'en découvrir plus et il y a pas mal déjà d'expériences VR. Et j'espère qu'il y en aura plus grâce à la puissance de la PS5. Voilà. Bah, c'est pas VR de toute façon à 75 ou 80% Dreams ? Oula. Non, mais par contre, il y en a quand même un paquet. Bah, disons qu'en fait, toi qui es spécialiste, Shérif, si tu peux m'éclairer là-dessus, c'est difficile d'adapter un niveau créé dans Dreams plat en VR. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui l'ont fait, ça. Ils ont créé leur niveau en plat avant que la mage VR sorte. Mm-hmm. Et dans leur descriptif de leur création, ils te disent que ils sont en train d'adapter le jeu en VR et qu'ils s'excusent si tout n'est pas terminé. Le plus gros problème quand on adapte un jeu plat en VR, c'est de faire en sorte d'avoir un framerate qui te donne pas la gerbe. Parce que malgré tout, hein, Undream c'est ultra optimisé, tout ça. La VR reste exigeante et la PS4 est une console qui est assez vieillissante finalement. Donc, là où on pouvait s'amuser avec de la transparence, des effets de lumière. des textures sur plusieurs niveaux, genre, je sais pas moi, 25% de cailloux, 25% de sable, etc., etc. Bah, tout ça, en fait, ça se cumule. Et c'est un truc invisible qui revient te frapper dans la gueule quand tu dis, bah tiens, ce serait bien qu'on mette ça sur deux écrans à double framerate sur chaque œil. Mm-hmm. C'est souvent là-dessus, en fait, qu'on galère le plus. Et aussi sur l'adaptation des contrôles, parce que bah, ça se joue pas du tout de la même manière entre les deux moves et la DualShock 4. La manette. Ouais. Ah oui, si, c'est vrai. Putain, on parle de ça, j'ai complètement oublié de le dire. Excuse-moi. Il y a des jeux qui sont jouables avec la DualSense en VR. À partir du moment, Squadron est jouable. En fait, tant que le jeu ne nécessite pas de tracking par la caméra, tu peux jouer avec ta DualSense. Mmh. Ce qui est plutôt logique. Donc Squadron est jouable avec la DualSense sans profiter des retours haptiques et des gâchettes adaptatives. Mais on peut quand même, ça évite la transition de manette, l'appairage, si vous en avez qu'une par exemple sur la PS4 ou autre, entre les deux consoles. Voilà. Donc ça aussi c'était à souligner. Tous les jeux le font pas bien sûr, mais dès qu'il n'y a pas de tracking, ça fonctionne. Ok, très bien. Un petit truc à rajouter sur... tout à l'heure, on parlait du bug qui avait fait planter certainement Godfall et puis Spider-Man. Apparemment, c'est le mode repos qui pose souci. En fait, il y a pas mal de joueurs qui ont acheté une PS5 et qui, quand ils activent ce mode repos, ne peuvent plus recharger leur DualSense sur l'USB de façade. Et Sony a précisé que ce mode repos-là serait à l'origine des crashs de plusieurs jeux. Ouais. D'accord. Et de la reconstruction du disque dur au relancement de la console. Je l'ai eu plusieurs fois. Tu laisses Miles Morales dans la console, après, il y a eu plusieurs updates. Hein, je m'amuse pas à défoncer mon disque dur de PS5 à chaque fois pour être sûr. mais ouais, ça m'est déjà arrivé. Si tu laisses Spider-Man dans la console et que tu la laisses partir en veille, au rallumage de la console, ce qui va se passer, c'est que on va te faire la même erreur qu'il y avait sur PS4. Quand tu la débranches assez sauvagement, qui te dit attention, elle ne s'est pas éteinte correctement la console, on va reconstruire ton disque dur et ça peut prendre entre 5 minutes et beaucoup plus. Et j'imagine jamais. Si tu as fait le transfert qui dure 6 heures de tous tes jeux sur PS4 sur PS5. C'est un peu ça. Là, tu te pends. Bon, tu recommences. J'ai déjà eu ça, moi ça m'a souvent planté ma console, hein. Mais genre à plus rien pouvoir en faire, formatage, enfin je veux dire, remettre. En mode usine et devoir tout remettre dedans. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois sur la PS4, ça déjà. Donc, pour mon transfert, la PS4, je t'ai dit qu'elle voulait pas s'éteindre. En fait, les deux consoles, quand tu fais le transfert, elles se parlent, si tu veux. Et elles sont dans un mode de transfert où tu n'as aucune manip possible. Mmh. Et du coup, elles doivent s'éteindre chacune en automatique et se rallumer, redémarrer toutes seules. Et du coup, ma PS5 a fonctionné nickel, sauf que ma PS4 n'a pas voulu faire ça, quoi. Donc en fait, elle s'est jamais éteinte. Donc du coup, je me dis, je vais la débrancher à la sauvage. Enfin, avant de faire ça, j'ai appuyé sur les boutons, j'ai essayé bouton. J'ai arraché le fil avec mes dents. C'est exactement ce que j'ai fait. On sent les dents avec mes doigts, juste. Mais du coup, je remets la prise secteur, pardon, et je rallume la console. Et là, elle se remettait sur le même menu. Toujours votre PS4 redémarrera automatiquement quand l'opération sera terminée, quoi. Donc en fait, j'étais dans un boot permanent. Et la seule façon de me débarrasser de ça, ça a été de débrancher ma box pour rompre la connexion Wi-Fi entre les deux consoles. D'accord. Voilà, si jamais ça arrive aussi. J'ai trouvé que ça comme solution. J'ai eu beau la débrancher 2-3 fois, appuyer sur tous les boutons, faire tout ce que tu veux, éjecter le disque. Même le 4 secondes sur le bouton, ça n'a pas marché. Voilà. Donc ça aussi c'est un problème que j'ai eu, bon du coup c'était sur la PS4, pas sur la 5, mais du fait du transfert des fichiers entre les deux consoles. Voilà. Vous voilà prévenu en tout cas, une petite astuce pour pouvoir faire la transition le plus confortablement possible. Si vous le voulez bien, maintenant on va passer à la seconde partie de l'émission, donc avec Olivier, Shérif. On va parler du coup du studio Ikimashō Games et surtout de Star Shaman. Qui est sorti, attendez, j'avais prévu la date tout à l'heure, le 22 octobre 2020. C'est bien ça. Sur Steam, voilà. Sur Steam, sur Oculus aussi. Sur Quest. Sur Quest, voilà. Exclu Quest. Et donc voilà, présentez-vous un petit peu. Bon, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, hein. Ça fait 1h24 qu'on enregistre, je vous demande que maintenant de vous présenter. Bonjour, moi c'est Olivier, il y a Shérif avec Olivier. Moi. Bonsoir. On a monté Ikimacho il y a un petit peu plus de 18 mois, à peu près 2 ans, pour lancer une première production VR qui est Star Shaman. Auparavant, moi j'avais fait de la VR 360. Donc j'ai commencé à peu près quand le PSVR est sorti, mais je travaillais avec des Vive, avec la première génération, quoi, ce que tu trouvais dans les salles d'arcade d'époque, avant le Covid. Ouais. Notre époque. Ouais, voilà, c'est ça. On se souvient plus, hein, on se demande. C'est il y a longtemps. Et de fil en aiguille, ben, quand tu commences à faire des trucs en VR et que tu te dis que le potentiel, c'est d'avoir de l'interactivité, tu as envie d'aller lorgner du côté du jeu vidéo. Mmh. Et on a commencé avec, un peu classique pour un studio, hein, tu commences avec une idée, tu en fais un prototype, tu le présentes un peu partout, tu arrives à lever assez d'argent pour démarrer. Et puis pendant 18 mois, tu te dis, on va faire ce jeu, tu poses le cadre. Tu dévies un peu du cadre, puis après il y a des nouvelles machines qui sortent en plein milieu, t'adaptes, puis t'appelles Sony de temps en temps pour leur dire que t'existes, et comme c'est au Japon, bah, tu prends plus de temps que tu as prévu. Décalage horaire, ouais. Et voilà, et tu finis par sortir d'abord sur Quest et PC, mais on compte bien avoir d'autres plateformes quand même dans un avenir pas trop lointain. Vous êtes obligé de passer par le Japon, vous pouvez pas passer par l'Europe ? Tu passes par le Japon à un moment. D'accord. Ouais. Ça a été un long parcours, hein, de rentrer PlayStation Partners. Mm-hmm. C'est comme ça que ça s'appelle. Mais pour plein de raisons. Hein. Une fois parce que ils ont changé leur back-end, donc pendant un mois, tu peux plus rien faire. Une autre fois, c'est parce que le Japon était sous mesure restrictive Covid. Donc, comme on s'envoie des papiers, parce que je ne sais pas si vous savez, mais les Japonais sont un peu procéduriers. Quand tu leur envoies une lettre, il faut qu'ils aillent la réceptionner pour voir si elle est bonne. Et tu viens de te paumer 15 jours. Et t'espères avoir fait la bonne lettre, parce qu'elle est quand même majoritairement en japonais, donc tes skills sont un peu limités sur la compréhension. Ah oui, tu peux même pas communiquer en anglais avec eux. Si, heureusement, ils parlent anglais. Mais dès que ça devient administratif, ça repasse majoritairement en japonais, traduit en anglais. Et donc, en fait, tu fais des échanges avec eux parce qu'ils te guident bien. Hein. Il y a pas de. D'abord, il y a l'Europe qui t'accompagne, et ensuite, tu passes au Japon vraiment pour le côté très administratif des choses. Mais comme c'est hyper normé, t'as un pipeline très très précis et tu suis les étapes une par une. Et on en est à l'étape où on continue de discuter pour savoir quand on peut sortir sur PlayStation. Et à leur décharge, ils étaient un peu occupés à sortir une console. Ouais, on a senti qu'ils avaient autre chose. Ouais, c'est ça. Dans les tuyaux pendant un moment. Ouais. Majo, tu voulais demander ? Ouais, j'allais dire, c'est bizarre qu'ils n'aident pas justement les Européens enfin, que la branche européenne PlayStation n'aide pas plus les Européens à dialoguer avec la branche japonaise. Bah ouais, surtout sur la compréhension de la langue et tout ça, enfin, pour la rédaction. Je pense qu'il doit y avoir qu'il y a un service qui fasse le lien entre les deux. On parlait peut-être bien japonais parce qu'on s'appelle Ikimacho. Oui, c'est mal entendu depuis le début. En fait, c'est pour ça qu'en fait, il y a des formulaires français, mais on reçoit les japonais. C'est peut-être ça, effectivement. C'est des mois qu'on se plante. C'est vrai qu'on s'appelle Ikimacho parce que ça veut dire on y va. Et quand on cherchait un nom pour la boîte, on s'est rendu compte plus tard que Asobo, ça voulait dire jouons. Et donc, on n'était pas les premiers à se dire qu'un mot japonais pour désigner une boîte, c'était cool. Ils sont forts, ces bordelais. Ouais, ça, décidément. Et Ikimacho, c'était le saut le saut dans le vide pour se dire qu'il fallait lancer un studio, une propriété intellectuelle, comme on dit, avec un monde à nous, une direction artistique, enfin. Une équipe qu'on a construite. Des casques qu'on a construits parfois, hein. Celui sur Switch. Ah bah oui. Ah oui, mais oui. Bien vu. Il y a des casques qui sont un peu livrés en kit aussi, mais on dira pas lesquels, hein, parce qu'on n'est pas vache. D'accord. Tu nous le diras en off, t'inquiète. On le répétera. Et toi, Shérif, tu viens d'où ? T'as commencé aussi avec Ikimacho, avec Star Shaman, ou t'as un petit passif ? Alors moi, j'étais indépendant avant de rejoindre Ikimacho. Donc j'ai vu pas mal de boîtes. Et mon premier contact avec la VR, c'était pendant une game jam. C'est un week-end où pendant 48 heures, il y a des gens qui se rejoignent dans un endroit. Et avec un thème donné le vendredi soir, et ben on doit créer un jeu ou un prototype avant le dimanche soir. Et du coup, quelqu'un s'était amusé à ramener la grosse mallette, si vous vous en souvenez, du DK1, du Development Kit 1 de Oculus. J'ai mis ce casque sur mon nez. J'ai eu la nausée pendant 4 heures et je suis tombé amoureux. Donc me voilà à faire de la VR pour le restant de mes jours. D'accord. Bon, t'es plus malade maintenant, ça va. Un peu maso quand même. Mais bah, c'est que de la passion. Moi, je le comprends, hein, parce qu'au début, j'étais un peu pareil. Hein. Je me faisais violence. J'ai commencé avec Riggs, je l'ai déjà dit, mais... J'ai pas connu... C'était violent pour l'estomac, quoi. Mais après, c'est une très bonne chose d'avoir des gens qui tombent facilement malades dans le studio, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas sortir le jeu dans un autre état que un truc où l'expérience est extrêmement confortable. Ah, il faut déjà que tout le monde puisse y jouer dans le studio, et si t'as des gens qui sont un peu plus... C'est important, il faut que ce soit jouable absolument pour tout le monde, donc que ce soit les novices ou les... voilà quoi, les gens qui n'ont absolument pas l'habitude. Donc, du coup, vous laissez le choix aux gens dans votre jeu ou vis-à-vis de quoi c'est imposé du motion sickness avec des options de confort ou ça on en parlera quand on arrivera directement sur le jeu. Pardon. Si donc tu fermes ta gueule quelque part, tu vois. J'ai fallait me briefer. Qu'est-ce qu'il branle l'animateur aussi là, putain, c'est quoi ces trucs à l'arrache là. Préparé comme d'hab. Mais ouais, la game jam, j'ai l'impression aussi que c'est le vivier des développeurs et des gens qui ont des idées et qui s'ils ont la chance de pouvoir les concrétiser, peuvent donner des choses quand même vraiment sympas, j'ai l'impression. Bah c'est un peu l'endroit où tu peux te lâcher. En gros, y a la pyramide de besoins et la game jam, elle va te proposer un endroit où dormir, de la bouffe, de la bière ou du coca en fonction de ce que tu bois. Et t'as juste à te concentrer sur ce que t'aimes faire. Et en plus de ça, t'as l'occasion de rencontrer des gens de l'industrie. T'as des étudiants, t'as des gens qui travaillent dans d'autres studios, qui sont parfois sur des prods longues, très longues. Et le temps d'un week-end, si t'as envie de faire un truc totalement maboule qui ne passerait jamais parce que... faut quand même quelques garanties quelque part avant de mettre du pognon dans une idée. Et ben, c'est le moment. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont leur genèse dans des game jams. En VR, il y a Superhot. Superhot, ça sort de là, hein, d'une game jam. Est-ce qu'il y a d'autres jeux VR qui sortent de game jam ? J'en ai pas en tête. Mais par contre, des jeux publiés, oui, il y a Evoland, il y a des trucs français, quoi. Vraiment cool. Ouais, c'est clair. Après, pour passer aussi à Ikimacho, j'ai lu un truc sur votre site au niveau de la structure. Comment vous pensez vos jeux ? Un truc qui m'a assez étonné, c'est que ça commence par ce qui passe en premier, c'est pas le joueur. C'est le développeur, c'est de se concentrer entre collaborateurs, d'avoir une idée, peut-être une première ébauche d'idée, de prendre les idées de tout le monde et d'en discuter tous ensemble. En fait, j'ai senti qu'il y avait dans votre équipe une espèce de grosse cohésion sans forcément avoir de hiérarchie à ce niveau-là. Et pas faire des jeux pour le joueur, pour faire plaisir au joueur, mais proposer quelque chose au joueur, quitte à un petit peu le désarçonner, quoi. Alors, il y a beaucoup de réponses et on va essayer d'y aller petit à petit. Alors, déjà, le schéma que tu as certainement vu sur notre site, sache qu'il est accroché dans toutes les salles du studio, sauf les chiottes, sauf la cuisine. D'accord. C'est dommage, c'est là où tu as plus le temps de lire. dans ce schéma, les joueurs sont malgré tout en haut. Et ce qui sépare les joueurs des équipes, c'est ce qu'on appelle la value zone, la zone où on va créer la valeur pour nos joueurs. Et vu qu'on recrute essentiellement des gens qui sont extrêmement passionnés, ce qui se passe en fait, c'est que plus on monte dans la hiérarchie d'Ikimacho, hiérarchie entre grosses guillemets, hein, parce que bah, au final on reste assez flat sur la façon dont on s'organise, et plus en fait on est au service de, bah, des personnes qui parlent directement, qui déclarent leur amour aux joueurs, nos game teams, nos équipes qu'on crée pour faire des productions. Et donc bah ouais, si le développeur se sent bien, s'il n'est pas frustré par un marketing qui dit totalement autre chose, s'il n'est pas frustré par peut-être des moyens trop faibles ou tout ce qui peut arriver dans une prod, hein. Au final, une production de jeux vidéo, ce n'est rien de plus que de régler des milliers de problèmes les uns après les autres jusqu'à avoir un produit qui est suffisamment satisfaisant pour être release. Et parce que oui, je n'ai jamais vraiment fini. Là, Star Shaman est sorti, on travaille déjà sur le premier patch qui arrive bientôt. Bientôt. On donne la date, on donne pas la date. On parlera du jeu après, en fait. C'est vrai. Mais ouais, en tout cas, voilà, je suis le directeur technique, mais ça veut dire en fait que je suis au service des game teams, donc des gens qui font les jeux. Et plus on s'écarte du joueur, et moins on considère que la, entre grosses guillemets, la personne apporte de la valeur, parce que le dialogue, il doit se faire entre la personne qui va placer le petit bonhomme dans le jeu et la personne qui va jouer avec le petit bonhomme dans le jeu. Mais justement, moi, ce que j'ai aimé dans cette espèce de description d'organisation, c'est, comme je l'ai compris en tout cas, c'est ne pas donner au joueur exactement ce qu'il veut, justement, c'est pas avoir quelqu'un qui va te dire non, faut... par exemple, le héros, faut que ce soit un homme parce que avec si c'était une femme qu'on faisait jouer au joueur, ça fonctionnerait pas. Non, j'aime pas la couleur de ton truc parce que voilà, c'est pas viable financièrement, etc. En gros, il y a pas. J'ai l'impression qu'il y a pas eu tout ce genre de. C'est vrai. C'est pas les questions qu'on se pose et on est généralement. Enfin, on aborde les jeux sous forme d'un consensus dans la game team. C'est-à-dire que tout le monde sait pourquoi ils bossent et la vision commune qui est entre les différents artistes, développeurs. Et ça te permet d'avancer avec une cohésion vers ce qui doit être le jeu pour nous. De toute façon, on connaît les joueurs. Quand ils aiment ou quand ils n'aiment pas un jeu, ils le font savoir. Donc, ajuster en fonction des retours, c'est quelque chose qui est dans l'ADN de tous les studios. Et c'est ce qu'on fait aussi. Mais ce qu'on offre immédiatement quand on travaille sur un projet, c'est ce qu'on a voulu livrer, ouais, sans avoir de considération sur avoir le plus grand nombre de joueurs possible en arrondissant un peu les coins. En neutralisant un petit peu ce qui pourrait être une bonne idée au départ et puis en la rendant assez insipide, quoi. C'est ça. Ouais. D'accord. On va passer à Star Shaman. C'est une bonne philosophie. Ouais, je trouve franchement c'est une bonne philosophie. J'aime bien. Ça permet d'imposer et de faire découvrir des choses différentes aux gens, quoi. C'est un petit peu comme en musique, hein, tu vois, là, la musique en conserve qui est produite justement pour que ça fonctionne et que ça se vende bien, et puis... la musique de Zikos, de gens qui font des choses un peu plus bizarres, peut-être un peu plus recherchées, un peu plus personnelles, et qui prennent le risque aussi de pas se vendre comme de la soupe, quoi. Donc j'aime bien aussi cette philosophie là en tout cas d'entreprise. Mais on peut le faire aussi parce qu'on fait de la VR et c'est encore un domaine où les gens sont prêts à expérimenter beaucoup. C'est plus le cas en mobile, tu vois, on est arrivé à des... Si tu joues sur ton téléphone, tu sais à quoi t'attendre. En VR, t'as la possibilité de chercher, d'essayer de surprendre les joueurs, de leur offrir des interactions qu'on voit pas et d'inventer. Donc t'as quand même un accueil qui est très très très bienveillant quand t'as les communautés de joueurs qui voient un nouveau jeu débarquer. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on va passer directement à Star Shaman. Allons-y. Majo, je suis désolé, je m'excuse pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pourquoi tu peux poser, parce que je t'ai dit de fermer ta gueule et c'est pas gentil. Tu peux poser non, ta question. Non, mais je t'écoute, t'as vu, je dis quasiment plus rien maintenant. non, mais je vois que c'est très sérieux, cadré maintenant. Avant c'était cool, on s'amusait. Maintenant, j'essaye un nouveau truc, ouais, c'est de faire un truc un peu carré. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas où il est. Voilà, expérimental. Non, vas-y, t'avais une question tout à l'heure à poser à Olivier. Je l'ai mangé. Parfait. Donc merci Mathieu. C'est moi, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, sinon. c'est fini après. Alors, on va commencer par le commencement. Olivier, Shérif, c'était quoi l'idée de base avec Star Shaman ? Est-ce que vous avez fait un rêve, un trip initiatique et ça vous a inspiré ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait un japonais. Et souvent, c'est une grande source d'inspiration dans les déjeuners japonais. Ça a vraiment commencé au resto japonais. On revenait d'une salle d'arcade. Et on s'est fait la réflexion qu'on venait de voir tous les gens jouer en exploitant très peu le box dans lequel ils étaient. Ils jouaient à, je sais pas, il y avait des jeux de tir et tout, et les mecs avaient les points au niveau de la poitrine, quoi, au lieu d'avoir l'impression de tenir des gros guns, et ils esquivaient pas non plus énormément. Et je trouvais que c'était très... en fait, je trouvais ça dommage. Et on s'est dit qu'on aimerait bien avoir un jeu qui demande nécessairement de bouger, qui te demande de tu vois, un pas chassé, une sorte de demi-tour, enfin bref, quelque chose qui te fasse vraiment te sentir en train de profiter du fait que tu es en VR et que tu peux bouger et te déplacer. Et que tu es libre. Exactement. Et l'autre pilier, c'est qu'on était, tout de suite persuadé qu'il fallait faire une forme de magie. Parce que ce qui nous paraît important, quand tu es dans des mondes virtuels, ce que tu veux voir et ce qui densifie ton immersion, c'est le fait que tu as un impact sur le monde qui t'entoure. Et on trouvait que la magie, ou en tout cas les invocations, et le fait dans le jeu maintenant que tu régénères des planètes, c'était la trace que tu laissais au monde de ton passage de joueur. C'est cette espèce de persistance dans le chemin, dans ta progression, fait que tu as une meilleure sensation de jeu, et c'était ce qu'on voulait creuser. Donc on est parti avec ces idées-là, et on a vite fait, ce que je disais tout à l'heure, un premier prototype très simplifié, où pour lancer des sorts, tu avais en gros l'écran de déverrouillage d'Android, tu avais tes 9 points dans l'espace, et il fallait que tu traces des formes dedans. Mmh. Et ça te donnait une série de sorts disponibles, et tu t'attaquais à un autre magicien en face de toi. Ça me fait penser à un truc, ça, c'est Arx Fatalis, non, c'était d'Arkane Studio. Exactement. C'est un vieux jeu, c'est, sur PC, ouais, qui utilisait justement ce système-là où tu devais dessiner tes sorts pour les balancer. Ouais. C'est exactement là-dessus qu'on est parti, à vrai dire. Et après, il y avait deux constats, déjà à l'époque. On s'est dit que c'était chouette comme proto, mais que si on sortait un jeu un contre un, on n'était pas certain que ce soit opportun à l'époque en VR, parce qu'il n'y avait pas énormément de monde pour faire du matchmaking. Le problème du multi en VR. Ouais, et c'est encore un problème, hein, d'ailleurs. T'as beau avoir plus de monde, t'as souvent des gens qui achètent des jeux multi et qui disent que finalement ils ont fait qu'une partie parce qu'il n'y avait pas assez de connectés. T'as beau taper Ubisoft, hein. Ouais. T'as leur dernier jeu multi, malheureusement, qui est bon en plus, hein, mais qui est un petit peu vite abandonné, quoi. C'était Space Junkies, ça ? Space Junkies, ouais. Je suis dégoûté pour ce jeu, hein, parce que franchement, c'est un bon jeu, mais non. Bah, c'était Unreal Tournament dans l'espace, quoi. C'était vraiment cool. Ouais, mais trop cher, 40 balles pour un jeu massivement multi. Ouais, aussi, peut-être, ouais. Il y a peut-être de ça aussi, ouais, quand même. Et donc on est vite passé sur un truc contre des IA, contre des ennemis. Et l'autre paramètre qui a beaucoup évolué, c'est que quand on a commencé le développement, on était sur des casques avec un fil, et que le Quest est venu en plein milieu nous rappeler que y avait une autre plateforme à considérer, qui n'était pas négligeable, et que ça changeait beaucoup la sensation que tu avais en jeu. Et il a fallu marier un peu les premiers designs qu'on avait avec qui tournait sur PC, qui envisageait la PlayStation, avec un machin qui est puissant comme un téléphone. Donc ça faisait partie des contraintes. Et si vous deviez... en général, les développeurs n'aiment pas trop ça, mais pas définir, mais présenter en quelques mots qu'est-ce que c'est Star Shaman. Exactement, est-ce que c'est un roguelike, est-ce que c'est un jeu de danse, est-ce que c'est un jeu de tir? Vous allez me dire tout ça à la fois, mais je pense que vous allez avoir une meilleure définition que moi là-dessus. C'est avant tout un roguelike, ouais. C'est donc un jeu dans lequel tu vas mourir quand même pas mal de fois pour améliorer ta progression, oui, tu confirmes. et c'est principalement un jeu de tir qui te demande de beaucoup bouger. C'est alors les différents sorts ont été chorégraphiés, enfin, les différents tracés que tu peux faire de manière à ce que tu aies un peu de variété quand tu changes d'arme. Finalement, c'est ta sphère, c'est un espèce de sélecteur d'armes. Oui, oui, c'est un holster, ouais. On peut avancer, hein. Et on voulait absolument, voilà, ça faisait partie de cette réflexion sur le fait que quand tu bouges, tu ressens des choses et que si on forçait un petit peu les déplacements de ta main ou de ton bras en VR, on forçait un peu les déplacements de ton corps aussi. Et qu'on pouvait jouer avec cette dualité de « je te tire dessus, donc il faut que tu te déplaces, mais il faut quand même que tu reviennes au centre pour tracer ton sort, pour buter les ennemis. » C'est ça, ouais. Qui est tout l'équilibre qu'on veut dans le jeu. Après, on voulait pas nécessairement faire un jeu très dur, mais en fait, il l'est. Et ah oui, quand même, oui, voilà. Alors, tu me rassures, parce que... Juste pour diluer un peu le propos, on a chacun plus ou moins 850 heures sur le jeu. Ouais. Donc quand on l'a équilibré pour faire en sorte qu'il était facile, bah il était facile pour nous, quoi. Oui, voilà, ouais. Monte un peu les potards encore, mais il est velu. Hein. Surtout au début, il faut aimer prendre des fessées. Hein. Et j'ai une petite question. La personne dans le trailer, la jeune fille qui joue... Ouais. Elle fait partie de l'équipe chez vous ou... Non, elle ne fait pas partie de l'équipe. D'accord, parce que si elle a 850 heures et qu'en plus elle s'impose la chorégraphie, j'avoue que ça doit être encore plus dur. Hein. On a trouvé ça, c'est venu spontanément quand on tournait, y compris ses coups de pied là qui sont assez... En fait, écoute, le jeu a quand même... vient aussi d'une envie d'avoir une ambiance cool, un truc où tu as envie de revenir, où les couleurs, l'ambiance, la musique te mettent à l'aise. Et quand on l'a vu exécuter ses pas, on s'est dit qu'il fallait le garder pour le trailer parce que ça allait avec le groove qu'on voulait mettre dans le jeu. Ah mais j'avoue, c'est pas mal. Bon, à pas tenter pour les casques câblés parce que ça risque de... J'ai failli mourir. De faire des... J'ai essayé de me révolter comme ça, j'ai failli stranguler comme ça. Ouais, il y a des tables basses qui font très mal. Là. Ouais. Ouais. J'avoue. Des fenêtres aussi. Et des enfants. Et des enfants. Oh mon dieu, la scène d'horreur. Pour la fin. Merci Star Shaman. Et donc oui, c'est un titre quand même, comme t'as dit, qui est extrêmement coloré, qui a une musique funky, électro, sympa. Tout est fait dans le jeu justement pour pouvoir porter une ambiance un petit peu enlevée, un peu ouais, voilà, sympa, que t'as envie de redécouvrir, que ce soit au niveau des graphismes puis au niveau de la musique. Ça s'est décidé comment justement cette ambiance? Alors, il y a... Avant que ce soit Star Shaman, ça s'appelait Battlecaster, où t'avais des combats de magiciens qui se battaient dans dans des grandes plaines, genre Yellowstone ou des déserts, ce genre de choses. Et ensuite, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, le quest est arrivé au studio. Et en fait, les grandes plaines, avec des arbres, toutes ces choses-là, ça tourne pas sur le quest, ou en tout cas pas sans un travail draconien pour optimiser chaque millimètre carré de la dalle. Et donc, on s'est dit... Le quest, tu parles de la V1, on est d'accord, hein, le premier casque. Et du coup, on s'est dit, c'est quoi l'environnement où... Il n'y a pas besoin d'avoir des trucs tapissés partout. Et on s'est dit, l'espace. C'est vrai. C'est parti de là. C'est une contrainte technique qui a poussé l'ADR dans la direction de l'espace. D'accord. Les mages n'ont pas énormément évolué. Leur pouvoir non plus. En revanche, ouais, tout le principe d'être sur des petites planètes, là, un peu petit prince, et de régénérer des lunes, plutôt que de régénérer les plaines arborées dont parle Sheriff, c'est de la contrainte technique. D'accord. Bah après les niveaux que tu enchaînes, c'est oui, effectivement, t'as des grosses structures qui sont au loin pour récupérer des éléments, mais t'as quand même aussi le hub principal, en tout cas sur la première partie du jeu. T'es dans une espèce de ville rouge quand même assez imposante, donc ça a pas l'air plus gourmand que l'espace, non? Est-ce qu'on révèle le secret? C'est de la peinture, tout ça. Ça. Oui, c'est ça. En fait, toute la géométrie qu'on voit au loin, tout ce qui n'est pas directement interactif avec le joueur, c'est en vrai un autre projet que Unity. Et en fait, on sort une giga capture d'écran qu'on plaque dans le ciel. C'est du map painting, en fait. Ouais, c'est à peu près ça. C'est ça, d'accord. Bah, écoute, ça marche bien, si ça fonctionne. Ah oui, ça marche. Oui, bah après, oui, tu te fais avoir. Et puis, de toute façon, après, au niveau du boss par exemple, le premier boss, tu fais pas attention un petit peu au décor, tu fais pas attention en tout cas aux détails, tu te focalises vraiment sur l'action. Bah, ce que j'allais dire, t'as pas trop le temps quand même, c'est assez dynamique. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est... le premier boss, c'est un des gros pics de difficulté du jeu. Oui. Ouais, la skybox, le background, il a été fait pour que ça fasse une sorte de cadre qui mette vraiment en scène le boss que t'as en face de toi. Vous pouvez expliquer un petit peu justement la structure d'une partie, on va dire lambda, le but, voilà, ce qu'il va falloir faire, comment ça se passe, quels sont les systèmes de points aussi pour l'achat d'éléments de customisation de ton perso et ce que tu perds quand tu te fais fesser. Comment ça se passe? Expliquez-moi, messieurs. Alors, du coup, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, c'est un roguelite. Ça veut dire que la mort fait partie du contrat. Et donc, tu arrives dans une galaxie parce que tu testes ton téléporteur astral. Et ce qui se passe, en fait, c'est que tu vas tomber sur une armada d'obéloïdes. C'est des ennemis du jeu. Mmh. Et du coup, on va t'envoyer ton instrument de bataille, la sphère chamane, qui va te permettre de tracer tes sorts et commencer à combattre. Une fois que tu as appris comment l'utiliser, eh ben, tu vas avoir une map qui va s'afficher devant toi, qui va te permettre de te téléporter de planète en planète pour régénérer toutes les lunes, ou au moins suffisamment pour réveiller le boss qui dort dans Cradle, le fameux boss Eptaka. Et en fait, tu continues comme ça, à ramener petit à petit la nature dans l'univers, et à travers du coup de challenges qui vont être de plus en plus complexes. Mais toi derrière, tu vas gagner de plus en plus de life sequence, j'ai pas de nom en français, qui vont te permettre du coup d'améliorer tes armes, tes sorts, et d'acheter de nouvelles baguettes qui vont te permettre de lancer de... À chaque fin de niveau, t'as une carte avec 4 types de planètes. T'as les planètes de combat, disons, classiques, avec une difficulté normale. Okay, ouais. T'as des planètes de type difficulté plus dure. Quand même. C'est les Némésis, ça, c'est ça? C'est les planètes Némésis, exactement. Et ensuite, t'as quand même un gros composant qui est le reliquaire, qui est l'endroit dans lequel tu peux passer entre chaque planète pour voir si t'as débloqué... de nouveaux sorts ou de nouveaux upgrades, que ce soit 5% de plus en critique, un cœur supplémentaire, ce genre de bonus. Mmh. Et un autre type de planète qui sont les rencontres interstellaires, où on tire aléatoirement les personnages que tu rencontres, de manière à te donner éventuellement des bonus qui changent à chaque fois que tu joues. Tu peux tomber sur rien du tout, ou tu peux tomber sur on te refait ta vie, on te donne 1000 crédits. Ou on te menace. Ouais. Parce que quand même. Reste tranquille, quoi. Donc si t'enchaînes de manière optimale, en gros, tu te fais 2 ou 3 planètes de difficulté normale, tu vas essayer de débloquer de préférence l'épée, parce que c'est le... C'est l'arme la plus cool. C'est notre BFG. Avant l'update. et ensuite, tu refais des planètes de difficulté plus élevée jusqu'à ce que tu aies ramassé suffisamment d'éléments, effectivement, pour que le boss apparaisse sur la planète berceau, qui, une fois régénérée, te valide ton système solaire et t'envoie dans ton prochain système, sachant qu'il y en a 3. Et que quand tu es suffisamment équipé, tu dois pouvoir enchaîner les 3, et que tu as bu de l'eau et que tu es entraîné, hein, soyons clairs. Oui, quand même. tu peux enchaîner les 3 en 1h30, 1h40. Ah oui, donc oui, vous êtes vraiment fortiche alors du coup sur ce jeu-là, hein, parce que je peux te dire, j'ai passé 1h30 sur le jeu hier soir, j'ai pas passé le premier boss. Je crois que c'est... Ouais. C'est très marrant quand tu sors un jeu, parce que t'as beau avoir fait des tests, nous on a fait quand même des tests avec des gens qui avaient un peu d'expérience en VR, d'autres qui n'en avaient pas, enfin, pour voir comment ils réagissaient. Nous, on joue aussi sans arrêt. Et dès que tu lâches le jeu dans la nature, t'as un mec qui vient de dire que c'est trop dur, qu'il veut tout de suite un easy mode. Et puis 48 heures après, t'as un mec qui t'envoie un screen de la fin en disant « Bon, bah ça y est, c'est plié, c'était cool, merci. Ouais. » bon, chaque jour différent, quoi. Ah non, on a quand même les stats des gens qui finissent le jeu, et il y en a un petit paquet. Alors, ils le finissent pas d'une traite. Quand je te dis 1h30, 1h40, je précise vraiment que t'as fait ton build, quoi, d'une certaine manière. Tu connais bien tes armes, t'as réussi à acheter des armes de niveau 3, niveau 4, qui font beaucoup de dégâts, donc t'enchaînes bien. Je crois que le record, c'est deux morts pour arriver à la fin du jeu. Et le plus grand guerrier ou guerrière, c'était 86 morts, à pas lâcher l'affaire, à recommencer le jeu et arriver à la fin. Si on en croit t'as une sacrée amplitude. Ouais, déterminé. Mais du coup, c'est une chose. Il faut du skill. Il faut de l'entraînement et du skill. Ouais, mais j'étais pas prévenu, quoi. C'est aussi quelque chose sur... c'est la chose principale sur laquelle on travaille pour le patch qui arrive dans quelques semaines. On a eu beaucoup de feedback, on voit un petit peu là où ça coince et là où ça glisse. Et du coup, on essaye de réétalonner un peu la progression. Parce que autant le jeu est dur, mais autant tu devrais pouvoir bien t'équiper. Et je pense que... On peut améliorer la sensation que tu progresses et donc que tu fais plus de critiques, que tu as plus accès à des armes. Et c'est là-dessus qu'on a porté nos efforts. D'accord. Et plus d'armes. D'accord. Ouais, il y aura aussi du contenu donc, supplémentaire pour la prochaine mise à jour. Tu peux peut-être donner la date du coup maintenant. Ce sera le 15 décembre. Le 15 décembre, d'accord. Ah oui, donc c'est dans pas longtemps. Ouais. C'est tout proche. Donc le principe du jeu principal, comme tu l'as dit, c'est le roguelike. Il y a quelque chose, donc le joueur, en fait, le gameplay est pas ultra complexe, c'est plutôt simple. Mm-hmm. Simple à comprendre, simple en plus vu que c'est du motion gaming, et ben c'est assez simple à appréhender. Mais avec Cyril, vu qu'on est les deux dans l'équipe à l'avoir testé, on n'a pas trouvé le jeu extrêmement intuitif pour essayer de comprendre justement ce qu'il faut faire au début. Alors faut tâtonner, de toute façon, comme tu disais, la mort ça fait partie du contrat. Tu tâtonnes, tu essayes des choses, tu vas voir justement le marchand pour upgrader un petit peu ton personnage. Mmh. Tu comprends pas tout à fait le système de points, comment est-ce qu'ils sont donnés, etc. Est-ce que c'est voulu justement pas de faire galérer le joueur, parce que c'est pas non plus question de faire galérer qui que ce soit, mais de laisser un petit peu découvrir le joueur, l'univers et puis la façon de progresser dans le jeu, essayer de comprendre justement les mécaniques par lui-même. Oui, c'était une volonté de... On t'accompagne pas mal au tout début, parce qu'on se focalise beaucoup sur le fait que tu comprennes comment il faut créer tes armes. En revanche, après, on s'est dit que c'était le mécanisme le plus complexe. Et si tu mourais parce que tu savais pas faire une arme, t'étais frustré. Alors si tu mourais parce que t'étais pas allé acheter des armes plus puissantes, ou parce que tu faisais tout de suite des planètes d'un niveau trop dur, c'était l'ambiance rogue qui justifiait ça. D'accord. Puisqu'il faut mourir pour s'améliorer, il faut quand même te donner de la... Il faut pas te guider trop longtemps une fois que t'as fini le tuto. Ça perdrait l'intérêt du jeu en même temps, et de l'exploration justement, et d'essayer de comprendre. C'est contre le style du jeu, en fait, tout simplement. C'est ça. D'accord. Mais encore une fois, c'est quelque chose... Le sentiment de progression, c'est quelque chose qui s'ajuste pendant des mois après la sortie d'un rogue. Hein. Je sais pas si vous êtes... Hades. Oui, Hades notamment. Hein. Dès que tu fais un rogue, tu passes beaucoup de temps à le tester avant, tu le sors, et tu repasses beaucoup de temps à le reprendre en fonction de ce que tu veux comme courbe optimale de satisfaction. Et c'est là-dessus qu'on est pour l'instant. Et ça va durer encore un petit moment jusqu'à ce qu'on atteigne un équilibre impeccable qui satisfera tout le monde. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'Hades, c'est un jeu qui est sorti il y a un mois ou deux, un truc comme ça. Enfin, version 1.0, et ça faisait plus d'un an, il me semble, qu'il était sorti en Early Access, celui-là. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. T'as un autre roguelite en VR qui a beaucoup été en Early Access, c'est Until You Fall. Ah oui! qui a un bon équilibre parce qu'il est sorti sur Steam avant. Je sais plus, je crois qu'il est sorti en début d'année sur Steam, et donc les mecs ont passé 8 mois à l'affiner avant de le sortir sur Quest et sur PlayStation. Ouais, j'en avais parlé en plus il y a 2 semaines de celui-là, justement, Until You Fall, j'étais très surpris par ce jeu-là, en fait, j'ai beaucoup aimé. La musique qui fait tout. La musique est dingue. Ouais. D'ailleurs, en parlant de musique, j'ai vu sur votre chaîne YouTube, il y a. C'est l'OST du jeu que vous avez mis ? T'as vu un long clip ? Ouais. Ouais. Ouais. C'est une grosse partie de l'OST, effectivement. En fait, on a été sélectionné à un festival qui s'appelle Rain Dance, qui a eu lieu il y a une semaine, et qui est un festival historique de cinéma et de VR anglais. Et qui s'est tenu non pas à Londres mais dans des environnements virtuels pendant presque un mois. C'était assez génial, hein. Nous on a passé pas mal d'heures avec un casque sur la tête à aller parler à d'autres avatars dans des espèces de chatrooms virtuels qui reprennent parfois les mondes des jeux qui sont en compétition. Et on y était avec les gens de la légende Eric Chahi chez Pixel Riff, exactement, qui était nommé aussi pour et qui a remporté d'ailleurs le meilleur audio et meilleur graphisme pour Paper Beast. Ouais. Je le dis sans amertume parce qu'on était dans meilleur audio aussi avec eux, mais comme quoi la petite musique japonaise au début a plu, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour Rain Dance, on a eu un gros plébiscite sur notre musique, parce qu'elle plaît énormément, et on en est fiers parce qu'on a beaucoup bossé. Et du coup, on leur a fait un clip qu'on a mis sur YouTube et qu'on pouvait broadcaster dans les mondes dans lesquels on était. Donc on s'est fait des espèces de soirées boîtes en VR, au son de notre BO et... C'est bien, vous étiez habitué pour le confinement, donc parfait, quoi. Voilà, c'est ça, on avait été pris un peu d'avance. Il y a peut-être un concept, hein, les bars sont fermés. Picolons chacun chez soi, et puis VR, et puis voilà. C'est bien. C'est... Et en plus, on n'est pas bourré, on a pas mal au foie, tout va bien. Impec. Ouais, t'es quand même un peu, t'as quand même un peu soif, hein, au bout de quelques heures de VR. Oui, c'est vrai, j'avoue. Donc si, je fais aussi un petit peu la voix de Cyril, vu qu'il est malheureusement pas là ce soir. Il a réussi à passer au niveau 2 aussi, il a trouvé sympa le changement global d'environnement. Mm-hmm. Et il a l'impression aussi, il a pas terminé le jeu, hein, parce qu'il est comme moi, il a pas de skill. Il a remarqué quand même qu'il y avait une progression au fur et à mesure de tout ce qui était moyen pyrotechnique, lumière... effets visuels, des gros changements dans les environnements qui t'entourent et tout, c'était aussi voulu pour marquer aussi la progression du joueur, de à chaque fois d'en mettre une couche supplémentaire à chaque fois que tu progresses. Absolument. Je me disais, il y a 3 systèmes solaires. Le premier est un petit peu inspiré de l'Asie. Tu peux retrouver des lanternes japonaises si tu regardes bien autour de toi. Très zen. Le deuxième, tu es un peu plus en Islande. Ce sont des grosses masses basaltiques, des cavernes et de l'eau couleur fjord. Et le système solaire 3, c'est plutôt les étendues américaines, avec des grands monuments t'as mi-chemin entre monuments de vallée et de Yosemite, où t'as beaucoup plus de canyons et des choses comme ça. Et c'est à chaque fois, on voulait vraiment trancher à chaque fois que tu changeais de système solaire, pour que ce soit aussi une récompense de régénérer ces mondes et de pas tout le temps tomber sur la même ambiance. Le niveau random. Tu sens vraiment que tu passes un cap. Et du coup, les cartes sont plus grosses, les décors sont de plus en plus impressionnants. Et quand tu régénères ta dernière planète, elle fait 3 fois la taille de la première. T'as aussi le sentiment que... t'es devenu plus puissant parce que les mondes qui t'entourent sont plus gros et que t'es toujours capable de faire cette énorme tornade qui fait partir les particules grises et roses des ennemis et qui révèle les herbes, les nuages, l'environnement l'environnement inspiré des zones géographiques dont je n'aime pas. Ouais. Ça, c'est grâce à nos artistes. Hein. Ils ont fait un boulot de dingue sur l'ambiance du jeu. Arnaud, Johan, Gaël et Amaury, hein, si vous nous entendez. Coucou. J'avoue que c'est marrant, ça fait un peu bande dessinée pour le coup. Enfin, c'est très... C'est très typé. Hein. Ouais, voilà, très coloré et tout. Enfin, c'est atypique, quoi, c'est original. Merci. Est-ce que d'ailleurs, une question un peu généraliste, parce que je pense que il y en a beaucoup qui le font, mais est-ce que cet aspect justement coloré et tout, c'est pas un peu un cache-misère enfin, un cache-misère, c'est pas, un peu péjoratif. Est-ce que c'est pas une facilité, on va dire, de développement pour justement des machines qui sont un peu puissantes comme le Quest? Alors, beaucoup des choix artistiques qu'on a dû prendre, le fait qu'on soit dans l'espace et le fait que, par exemple, on n'ait pas de lumière dans le jeu, viennent de certaines limitations. C'est vrai. Mais au contraire, en fait, les limitations, elles nous ont permis justement d'aller explorer ce côté-là de l'art en VR, qu'on n'aurait peut-être pas fait, en fait, si on avait le budget illimité partout. Oui, ça t'oblige à être créatif, quoi. Ça t'oblige à être créatif et à te démerder avec ce que t'as, avec les limitations que t'as. Ouais, bah donc du coup, la réponse est oui, pour le coup. Le fait d'avoir choisi cet aspect graphique a une raison technique, en fait. Oui. Mais bon, après... Bah, la DA générale, c'est pas la technique qui te l'impose. Le fait qu'on ait voulu être un peu cartoon et coloré, c'était une volonté pour le côté monde accueillant. Qu'on voulait véhiculer, et d'autant plus que c'est toi qui les rends accueillants. Mais après, oui, si tu comptes, il y a un bon exemple, c'est le design des ennemis. Il est simple parce que plus tu joues, plus t'as d'ennemis, et plus t'as d'ennemis, plus tu fais miner la machine. Donc, on n'allait pas mettre des choses gigantesques. Tu peux voir d'ailleurs que On a failli mettre des trucs gigantesques. Et ça, c'est... pour le coup, c'est une... On est retenu par la technique. On s'en accommode à certains moments. Après, les boss, ils sont quand même plutôt fat. Hein. Et surtout que le premier boss, il est tout seul. Attention, pas de spoil. No spoil. D'accord. Donc, ça va être pire après, quoi. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Ça va falloir que vraiment je bosse, quoi. Je pense que t'auras une autre approche du jeu après le prochain patch. D'accord. Ne serait-ce que parce que t'auras plus d'armes à ta disposition et il y en a qui sont assez cool pour t'aider dans certaines situations. D'accord, ok. Et pour finir, à qui s'adresse le jeu? Alors, on a fait un rogue, donc on était quand même sur du core gaming. Enfin... On s'est dit, quand on a commencé le jeu, on a fait un peu le tour du marché pour voir qui jouait. On s'est dit que sur PC, tu avais vraiment des core gamers parce qu'ils avaient acheté en premier des Rift, des Vive, et que eux, un jeu où tu bougeais un peu, mais où tu considérais quand même qu'ils étaient câblés, et où tu avais des éléments de rogue, c'était proche de ce à quoi ils jouaient. Donc c'est là-dessus qu'on est parti. Évidemment, on a considéré le PSVR tout de suite, parce que ça reste le plus grand marché de VR, en fait, en termes de casque. Et on a évidemment pensé au Move, quand on a réfléchi à comment on faisait nos interactions, histoire de ne pas se coincer sur des... pas développer sur index, et te dire qu'après c'est impossible de jouer à ton jeu avec un autre contrôleur, ce serait mal. C'est vrai que vu le gameplay, le Move est complètement adapté. Hein. C'était pensé pour. C'était vraiment une contrainte qu'on avait. On se disait qu'à un moment, on savait qu'on irait sur PlayStation. Et donc, on s'est toujours mis ça en objectif, en essayant de pas louper le coche. Et c'est pas les seuls d'ailleurs. Quand tu regardes un peu toutes les manettes, quand tu joues avec du matos... que ce soit avec les Move, avec les vieilles baguettes du HTC, c'est qu'on a fait pas mal de progrès. Là. Et que quand t'as pas de la PS5 dans les mains après, et que tu te dis qu'il va arriver le temps des gâchettes qui te résistent et tout. Tu dis que 6 ans c'est long quand même. Hein. Qu'il y a eu de la progression depuis. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a ça aussi. D'accord. Et ben écoute, en tout cas, bah, on en reparlera sur VRplayer.fr quand on l'aura, en tout cas sur la version PSVR, pour pouvoir faire le test. C'est ce que j'allais dire. J'avais la fameuse question. Bon, je suppose que vous n'avez pas de réponse. Mais avez-vous une date un ordre d'idée, une date dans un an, ce qu'ils ont expliqué au départ, je pense pas. Hein. Bah, plus vite possible. Ouais. Pour nous, c'est le plus vite possible. Après, ça dépendra du français au Japon pour qu'ils traduisent en français la version japonaise. Alors, ce sera pas dans 2 ans. Ouais. Plus de 2 ans. Je peux m'engager. Mais d'avoir une date précise, c'est pas si facile que ça. Non, donc. Mais quand je dis une fourchette, est-ce que ça sera courant 2021? Est-ce que ça sera plutôt... Nous, on a l'objectif d'être courant 2021, ouais. Le truc qui est un peu magique quand on parle d'une plateforme auquel on n'a pas accès aux outils de dev, c'est que t'as aucune idée d'à quel point le jeu est cassé sur la plateforme. Peut-être que tu vas lancer le jeu et t'auras qu'un seul œil qui fonctionne. Peut-être que t'auras aucun matériel, aucune texture qui sera affichée dans le jeu. Tu sais pas en fait. Peut-être que le tracking des manettes ne marche pas. Et du coup, bah, ça c'est la grosse surprise qu'on va découvrir le jour où on recevra le dev kit. Et c'est là où on pourra commencer à faire des estimations sur combien de temps ça va nous prendre combien de temps ça va nous prendre d'adapter le jeu pour la plateforme. Et pourquoi pas aller plus loin, hein, l'intégration avec les API de Sony qui nous permettent de faire des trophées, de faire les captures d'écran, peut-être s'intégrer un peu à leur écosystème. Sur PS4, ils avaient leur carte avec des news. Sur PS5, ils ont le truc là qui t'affiche des solutions, des astuces. Peut-être que ça vaut le coup d'explorer aussi ce genre de choses et voir ce qu'on peut faire dans le cadre d'un partage. Et du coup, le système des vignettes PS5, il serait utilisable? En VR, je sais pas ce que ça donnerait. Je sais pas non plus. Parce que à partir du moment où c'est que de la rétro, je suppose que tout pareil, tout ce qui est système de vignettes et tout ne doit pas fonctionner. Fin... Oui, mais on se doute que d'ici à ce qu'on reçoive le dev kit PS4, celui de PS5 il sera sorti et on pourra y avoir accès aussi. Ouais, non, de toute façon, avec ce qu'on a fait déjà avec les casques qu'on supporte, la famille Oculus, la famille HTC et bientôt Sony, c'est pas un casque supplémentaire qui nous fait peur, quoi. Ouais, c'est cool. Et du coup, je vais poser ma question différemment. Le kit de dev, vous pensez le recevoir bientôt, courant 2021, 2022? Il en est où le courrier? C'est ça. non, c'est début d'année prochaine. Ok. Ce sera pas une longue attente. Et en attendant, on sera affairé à updater le jeu et à rajouter du contenu. Donc, ce qui sortira sur PlayStation sera la version Deluxe Gold de Star Shaman. Et puis si en cours de route sur PS5, il y a les dev kits qui s'ouvrent à la VR avec un casque annoncé, je dis n'importe quoi, mais fin 2021 ou début 2022, derrière il va falloir que ça tourne en 4K 120 FPS tout ça. Bah, ça dépend surtout de la résolution de la dalle qu'il y aura sur le PSVR 2. Oui, voilà, on ne sait pas. Mais ouais, de toute façon, quand on est en VR et quand on est sur une plateforme aussi exclusive que peut l'être Sony, il y a des prérequis assez draconiens sur le nombre d'images minimum par seconde, sur des choses finalement assez techniques, mais qui augmentent la qualité générale du jeu. Si on passe par Sony, on va devoir être rigoureux sur ces points, et toutes les autres plateformes pourront en profiter également. Tout comme du coup les autres plateformes profitent déjà à ce que va devenir le portage PS4 et PS5. D'accord. On en parle souvent justement de ces prérogatives imposées par Sony pour les développeurs et pour que les jeux soient les plus confortables possibles. C'est vrai qu'elles sont rudes, mais au moins elles sont efficaces parce que c'est rare quand même les jeux qui tournent mal, voire pas du tout sur PS4. Quoi. Il y a très très peu de bugs aussi. Ils ont un process d'assurance qualité qui est très, très bien rodé. Qui est plus haut que sur PC. Qui laisse rien passer. Hein. Et en VR, ils sont très à cheval sur les performances, au demeurant. C'est vrai que pour parler de développeurs français, moi je pense toujours à Stardust Odyssey. sais pas si vous y avez joué, d'Agartha Studio. Oui, bien sûr. Putain, il est extraordinaire. C'est vrai que quand on voit le rendu que ça peut rendre sur une PS4 par rapport à d'autres jeux qui sont complètement flous. On sait que c'est minimum 60 FPS hein, un jeu, mais oui. C'est vrai que entre tous les jeux qui sont sortis, il doit y en avoir à peu près 450 dans le catalogue aujourd'hui. Il y a des différences de niveau impressionnantes. Et Stardust Odyssey, moi, il m'avait cloué parce qu'il était incroyablement net, très beau, un peu dans ses couleurs comme dans les mêmes couleurs que vous pour le jeu. Et oui, c'est vrai que ça rendait super bien, quoi. Et les musiques aussi étaient prenantes. Non, voilà, quelque part, cette exigence de Sony, c'est une bonne chose, parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui, il y a des fois, on voit sur PC, on voit des trucs arriver, on se dit, oula, qu'est-ce que c'est. Ah oui, c'est expérimental, hein, le PC, à côté, hein. C'est sûr. Vous avez autre chose à rajouter, du coup, sur Star Shaman? Ben on... Pour donner envie, je parlais. Ah non, pardon, c'est pas à nous, excuse-moi. Désolé. Achetez-le. Donc, comme tout à l'heure, Major, je vais pas te répéter. Non. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, Olivier, Shérif, vous avez quelque chose à rajouter du coup sur Star Shaman? Bah, achetez-le. Il est disponible sur Oculus. Non, on peut pas. N'achetez pas. Ouais, n'attendez pas la PSVR pour acheter sur Quest si vous en avez. Hein. C'est sympa. Mais sachez qu'on fait ce qu'on peut. Mais il y a beaucoup d'auditeurs qui sont sur PC qui nous écoutent aussi. Oui. Dont moi, tiens. Donc voilà. Ouais, parce qu'on n'a pas lâché les gens qui ont acheté des Rift S. Parce que nous aussi, on en a. Et, et on n'est pas comme Oculus. On trouve que c'est un peu vache. Ah oh ouais, putain. Donc ça marche sur Rift S avec Steam et on est hyper content d'offrir un peu de contenu parce que je peux comprendre la frustration de ceux qui en ont. Enfin, j'en fais partie. Quoi. Ouais, j'avoue, c'est. Enfin, si maintenant on se met à faire des exclus au sein de la même marque. C'est très très bizarre. Ça devient dramatique. Mais je pense de toute façon on aura l'occasion d'y revenir une fois que voilà. Ça brasse sur les forums, hein, ce sujet. Ouais. Mmh. Ah, ça brasse dans mon crâne aussi, je peux te dire. J'ai une avant-dernière question, parce qu'après j'ai plein de petites questions, mais ça je vous laisse la surprise pour la fin de l'émission. Donnez-moi chacun votre plus grosse expérience VR. Autre que Star Shaman, sur n'importe quelle plateforme que vous avez eue, Olivier par exemple. Alors la grosse baffe technique et gameplay, c'est Alix. Ouais. Parce que peut-être aussi parce que c'était pendant le confinement et donc. T'as besoin d'amour et de réconfort. Exactement, je me suis complètement laissé submerger par le jeu et j'ai eu la chance de le faire avec l'index. Donc, j'étais au taquet pour ramasser les armes. J'étais tellement au taquet qu'il y a un pet dans un des murs chez moi parce que le chargeur était un peu loin et j'étais tellement dans le jeu que j'ai pas trop vu le Guardian, quoi. Donc il y a un petit impact de la Big Knuckle qui témoigne de mon immersion totale. D'accord, c'est ça que c'est dangereux la VR pour ça. Pour te dire, c'était quoi, il y a une semaine? Je jouais à Pistol Whip, je me suis éclaté le doigt contre mon PC, mais à saigner. Hein. Je me suis vraiment enculé. Hein. Et voilà, ça... Mais bon, c'est... Ouais, faut faire gaffe, hein. Faites vraiment attention. Hein. Moi, j'ai déjà parlé des gosses, j'en suis... prenaient des coups sur la gueule aussi. Moi, j'en suis à mon cinquième chat, mais bon. Ah, cinquième chat, ouais. Bah, nous, c'est les devs qu'on remplace. Hein. Ils se prennent des coups en passant. C'est normal, bah, y a un quota, de toute façon, voilà, ils connaissent le métier, ils connaissent les risques, hein, donc voilà, c'est comme vrai. Sur les chantiers. Hein. C'est vrai. J'ai réglé le VR, c'est un peu un roguelite. J'ai réglé le problème des lustres, j'ai plus de lustres dans la pièce. Aussi, t'as tout arraché. Ouais. Et toi, Shérif, du coup, ta grosse expérience, ta grosse claque dans la gueule que t'as pris en VR? Alors, je vais pas dire Alix, parce que même si je l'ai acheté et même si j'ai trouvé les 4 premières minutes ultra cool, j'ai très très peur que ce soit dans la VR ou à l'extérieur, donc je préfère éviter. Ça va être, on va dire, allez, Tetris Effect. Même si ça n'a pas commencé comme étant un jeu fait pour la VR, il y avait un mode VR à l'époque sur PSVR et je trouvais ça totalement incroyable en fait. C'est une vraie vision d'artiste, une remise au goût du jour d'un truc qu'on pensait connaître par cœur, et tu vis ta partie, ton corps ça devient une symphonie en même temps que le jeu, c'est vraiment cool. Et il y a même, si vous fouillez un petit peu sur YouTube, ils ont fait jouer Tetris Effect à un ancien champion du monde. Et ses performances étaient bien meilleures avec tous les effets, toute cette, cette apothéose de particules qu'il y a autour de toi. Et ouais, franchement, Tetris Effect. D'accord. Tetris. Ouais, c'est un jeu aussi qui nous avait extrêmement botté quand il était sorti. T'as un flow dedans, tu rentres dans la zone ultra rapidement, t'as l'impression de jouer à un clip, t'es immergé dans... même pas dans un univers, mais dans plusieurs univers à chaque fois que tu changes de niveau. Ouais. Et la transition entre les niveaux, arrêter, c'est trop stylé. C'est assez dingue, ouais, c'est vraiment assez dingue. C'est un petit peu comme... je crois que c'est Rez, il me semblait qu'il avait été pas mal... D'ailleurs, c'était le même développeur que Rez, le même créateur en tout cas. Oui. En tout cas, c'était le même festival pyrotechnique. Ouais, c'est ça. Ok, bah écoutez, bah je pense que vous avez bon goût quand même, hein. Je suis plutôt d'accord avec vous. Pour terminer l'émission, on va passer aux questions pile ou face. Et ça, je vous en ai pas parlé au briefing. C'est une petite série de questions. Il y a 8 questions, avec à chaque fois 2 choix. Il faut choisir l'une de ces réponses. Ça n'a pas forcément à voir avec les jeux vidéo, ça n'a pas forcément de sens. Des fois, c'est des doubles sens. Vous pouvez expliquer votre choix de réponse, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste répondre et puis voilà, fuck. Donc voilà, vous avez tout... J'étais clair ? Ouais. On répond ensemble ? Eh ben non, mais vous allez répondre chacun à votre tour et je vais vous désigner comme ça sera plus simple. Alors question 1, chien ou chat, Olivier ? Chien. Shérif ? Aucun des deux, j'ai peur de tout. Comme dit précédemment. D'accord. Mais c'est gentil, les chats. Poisson rouge. Il paraît. Il y a un petit peu trop de domination chez le chat. T'aimes pas servir de, je sais pas, de juste pour lui donner la bouffe et. Il grattait quand il va se tirer. Vas-y, caresse-moi. Caresse-moi et n'oublie pas de me nourrir. Allez. Mais t'auras pas d'amour en retour. Ah, c'est le cas de D'accord. tous ceux qui ont reçu des croquettes à la place des PS5, non? Ah oui, l'histoire avec... c'était quoi, Amazon? Non, Fnac ou Amazon? C'est Amazon. C'est Amazon. Ouais. Amazon. C'était Amazon, ouais, tu devais être content, tiens, à ce moment-là. C'est clair. Deuxième question, console ou PC? Shérif? Console. Console, toute ma vie. Le PC, c'est une machine de travail et j'aime bien compartimenter. D'accord. Donc j'ai une armoire gigantesque chez moi. Je sais pas où est-ce que je vais ranger mes jeux de PS5, mais mais en tout cas ouais, console. D'accord. Et toi, Olivier ? PC parce que Sega fait plus de consoles. Ah oui, j'ai vu aussi sur le site que t'étais bien à fond Sega, hein, apparemment. Il paraît. Enfin, je traîne un peu ça. Ouais. Il porte une chemise bleue. Ah, ouais, bah, hommage, normal. Ouais, j'ai un petit Sega Tassanturo dans le bureau. Porte-bonheur. Troisième question, Candy Crush ou Dark Souls, Olivier? Dark Souls. D'accord. Shérif? Dark Souls. D'accord, donc vous êtes des velus, quoi. Attends, Dark Souls, tu dis que t'as peur de tout. Dark Souls, c'est chaud quand même. Hein. Il joue avec la lumière. Oui. T'as des squelettes. Comment faire une comparaison? Dark Souls, il va pas jouer sur le screamer. Il va pas jouer sur comment dire, du putassier. Genre si tu joues à Resident Evil 7 ou à Until Dawn, ça c'est des trucs typiquement je supporte pas, je peux pas. C'est malheureusement je travaille dans le jeu vidéo et donc je suis obligé de tester un peu tout. Et je sais pas combien de temps encore il me reste à vivre à cause de ça. Mais ouais, l'ambiance de Dark Souls, l'univers, la cohérence, le level design incroyable. Tu trouves pas ça dans Candy Crush, malheureusement. Hein. Donc pour moi, c'est Dark Souls et bah ouais, là j'ai Demon Souls là qui m'attend. Qui te titille. Incroyable. Qui t'attend, ouais. Ouais, mais une vraie démonstration de respect pour le matériel original, hein, le remake sur PS5. Et qui aurait cru à l'époque qu'une IP qui finalement est passée un peu inaperçue avant qu'il ait connu son succès dans le web, soit un titre aussi phare dans le lancement d'une nouvelle console de Sony. C'est un très beau parcours. C'est un beau parcours. Ouais. Et puis ça va permettre aussi de pas laisser ce premier épisode de côté. Il y en a beaucoup de gens, effectivement, vu que c'était pas une grosse licence, qui sont passés à côté à l'époque. Bien sûr. Ou tout simplement qui n'avaient pas l'âge, parce que ça commence à dater, mine de rien. Mm-hmm. Donc c'est bien de le remettre un petit peu au bout. Les serveurs avaient fermé il y a quelques années. Il y avait quelques joueurs qui ont fait des serveurs en open source pour pouvoir s'y connecter. Et au final, on a le fantastique travail de Bluepoint sur ce remake qui fait que. Waouh! Ok. Quatrième question, film ou série? Shérif? Je me mets de plus en plus au film parce que Olivier à côté de moi et il vient du cinéma et donc il m'a fait une liste à un moment, à l'époque où on pouvait encore prendre des avions au retour de l'Oculus Connect. La dernière Oculus Connect qu'il y a eu en physique, donc j'ai une liste de films interminables que j'attaque un à un. Mais après, je sais pas, je dirais que c'est par période, mais là je dirais film, ouais. Film à fond, d'accord. Et toi, Olivier? Ouais, du coup, je aussi, pense connaître la réponse. Film, d'accord. Tout à fait. C'est un bon format. Les séries, tu rentres dedans, tu sais plus s'il fait jour ou nuit quand tu t'arrêtes. Ouais. Un dernier épisode et puis boum, c'est tour de mat quoi. C'est un peu, ouais, c'est un peu la. Ah bah pour ça, je vous conseille Dark. Non mais c'est fait Dark. Ouais. Ah bon. s'il y en a qui l'ont pas fait, le genre de série qu'il faut surtout pas lâcher et faire en 3 saisons, enfin d'affilée pardon, c'est Dark. C'est ouais. Dark. Ok. Cinquième question. Xbox Series X ou PS5? Les deux. Les deux, ça fait partie du taf, tu dois jouer à tout. Bon, il y a moins d'exclus sur Xbox parce que maintenant elles sont partagées avec le PC, mais on a dit un peu plus tôt que je ne touchais pas au PC pour jouer. C'est ça. Voilà, bon, du coup, t'es obligé de passer par Xbox, quoi. C'est ça. Et toi, Olivier? Moi, Xbox, surtout si le HP Reverb me permet de jouer à Flight Simulator. Parce que ça, je l'ai appris tout à l'heure dans ce que vous racontiez, là. Moi, je suis chaud. Attends, c'est de l'indice hein, pour le moment. Hein. C'est il y a un officiel. Hein. Oui, j'ai bien, noté. Mais alors, juste la petite possibilité que ça arrive. Ouais, c'est ça. Envisager un futur où c'est possible. Vous auriez vu sa tête. C'était assez magnifique. Hein. Surtout que techniquement, ils pourraient pas vraiment créer leur casque Microsoft Xbox. Parce qu'ils seraient en concurrence avec tous les Windows Mixed Reality, donc ça aurait du sens un Reverb sur Xbox. Ouais, les Windows Mixed Reality, de toute façon, c'est enterré. Hein, c'est... Oui, mais je veux dire, il ferait du tort au Samsung Odyssey et au Reverb s'il sortait un casque Xbox. Donc ça aurait du sens qu'il laisse tout simplement la console ouverte soit au Reverb, soit à l'Odyssey Plus. Oui. On verra en tout cas. Sixième question, vu qu'on a parlé de Star Shaman. Star Wars ou Star Trek? Shérif? Star Wars. Bah, ok, unanime, parfait. Cette question, franchement. On sait pas, tu sais, les Trekkies, je peux te dire qu'il y en a, ils sont vraiment hardcore. En pyjama, là? Non, quand même. Bah, on peut répondre Star Wars, tu nous demandes pas pourquoi. Alors que s'il y en a qui répond Star Trek, il faut qu'il passe 20 minutes à expliquer. non, mais tu dois répondre même la dernière trilogie. Star Trek. Star Trek, finalement. D'accord. Chaud logique. Alors c'est, j'ai fait des questions, je sais même plus pourquoi j'ai mis ça. Soupe de Psylo ou SpaceX? Je pense que ça avait un rapport avec comment aller dans l'espace le plus rapidement possible. Mec, fait des questions, il sait même plus pourquoi. Il était déchiré quand il a fait ces questions. Bah non, je venais juste de sortir du boulot, donc j'étais déchiré, mais pour d'autres raisons. Mais Olivier? Mais c'est Billy the Kid, ça, en plus, les silos et tout. Tu me rappelles des vieux trucs. SpaceX. Ouais, bien sûr. Pour l'entreprise complètement dingue que c'est. Ouais. Et parce que Elon Musk met des ordis partout, donc c'est trop bien. Ouais, mais il met pas des consoles. Par contre. Il met pas des consoles, tu pourras même pas jouer. C'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, l'autre truc. Le truc, d'accord. C'est bien, t'es un aventurier, c'est bien. Et la dernière question, VR à moitié vide ou VR à moitié plein, Olivier? VR à moitié plein. Il y a de plus en plus de gens qui savent ce que c'est. C'est la grosse différence avec même il y a, je sais pas, il y a, quand on a lancé le studio, là, c'est que quand on disait qu'on allait faire de la VR, les gens nous demandaient ce que c'était, sauf ceux qui avaient une PlayStation. Et maintenant, tu parles de ça, les gens te demandent si t'as Quest 1 ou 2. Donc, ils sont au courant qu'il y a eu d'autres choses qui sont sorties. Tu vois, la question sur PSVR avec la PS5, ça occupe pas mal Internet. Donc, non, clairement, VR qui se remplit. D'accord. Et toi, Sharif? Ah bah, pareil. Et ouais, comme a dit Olivier, hein, la VR, c'est de plus en plus stylé, de plus en plus puissant. Et la mauvaise première impression que la VR avait faite il y a quelques années, avec ces casques qui te donnaient la nausée instantanément, commence à se gommer des esprits. Et donc, c'est comme ça que la VR va se démocratiser au fur et à mesure, avec le Quest que tu peux transporter dans tes soirées de famille, ce genre de choses. Et donc, bah ouais, de plus en plus de gens vont être en contact avec ça, et qui sait, hein, peut-être que ce sera le prochain standard, le prochain truc avec lequel on interagira avec le reste de l'univers. Comme dans Retour vers le futur 2. Et bah, ouais. Très très bonne référence. Je sais pas si c'est une question, mais moi je dis Retour vers le futur. C'est juste que je viens de montrer la trilogie à mon gamin de 5 ans. Je sais que c'est pas vraiment l'âge qu'il faut pour regarder ça, mais bon, voilà. Avant de marcher, c'est très très bien. C'est... non, elle marche quand même à 5 ans. ça fait pas flipper, mais ouais, tout saisir à 50. Et... Non, mais c'est juste qu'il est fan de la DeLorean, donc voilà. Et du coup, ça me fait penser à une scène où tu vois justement le gosse de Marty qui avec son casque vert. J'avais complètement oublié cette scène-là. Donc voilà, ça m'a fait penser. Ok, et ben messieurs, je pense qu'on va arrêter là du coup. Merci Majo, merci Laurent pour encore nous avoir régalé par vos informations et vos retours tout au long de cette émission. Un énorme merci à Olivier et à Sherif pour leur participation au podcast. Merci les gars. Merci. Merci à vous, c'était un plaisir d'être invité, c'était un plaisir de discuter avec vous. C'était cool en tout cas, voilà, on dit ça à chaque fois, mais on pense vraiment, vous revenez quand vous voulez. Quand le jeu sera sorti sur PSVR, vous pourrez revenir à l'émission, discuter un petit peu. Pas de soucis. On vous enverra un courrier. Ouais. pas en japonais, hein, on parle pas japonais. Hein, on s'en fout, on a Google Trad. on se démerdera. Et remercier aussi les auditeurs de nous avoir suivis encore cette semaine. On se retrouve dans 2 semaines comme d'habitude. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur vrplayer.fr, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, vous pouvez nous retrouver sur PodCloud, Spotify, Deezer, iTunes. Et voilà, n'hésitez pas à discuter avec nous sur le site. Twitter, t'as pas dit Twitter? Twitter, j'ai dit les réseaux sociaux. C'est vrai que Twitter, j'y pense jamais parce que c'est l'antichambre de l'enfer et je déteste Twitter. C'est pour ça. Mais il y a Majo qui aime bien. Ouais, je suis au top. T'as vu depuis qu'il a acheté un Rift S comme il critique Twitter quand même? Non, mais... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Marc, je t'aime. Marc, je t'aime. et puis voilà, on vous fait des gros bisous. On vous dit à dans 2 semaines. Et à bientôt. Et ciao. Ciao, ciao. Salut. Salut. Salut.